Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. Sébastien Gartin nous fera cadeau de sa présence avec son butin Gartin. Et Alfalfa le lutin sera présent, hein? Présent comme un cadeau pour sa chronique sur les jeux et l'alcool. Assemblage Rocky commence tout de suite, hein? Assemblage Rocky. Toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Rocky. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce mercredi 1er février 2017 à 85 jours de la fin de l'année scolaire. En direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Boudin. Salut Tania! Bon matin! Mon intro a une thématique de cadeaux aujourd'hui parce que j'ai tellement eu de ribambelles d'aventures, de paquets à renvoyer. Ça n'a aucun sens. Tu sais, j'avais commandé un ordinateur sur Internet. Oui. Qui ne fonctionne finalement pas. Ouh. Je dois le renvoyer. C'est incroyable. Ça c'est fait... pas tant plaisant. Mais sur Kijiji, ça se fait. De demander aux gens si on peut se faire rembourser. Sachez-le. Ça se peut que tu te fasses répondre non. Probablement, oui. Okay. Mais les gens sont quand même de ton bord si t'es gentil et que la personne est honnête. Ah, oh, j'aurais jamais mieux. Pensé. Tout le monde autour de moi aurait dit genre, non, fais pas ça, ça sert à rien, tu vas te faire rire de toi. Mais non, tu t'essaies, puis t'as rien à perdre, tu connais pas pareil. C'est vrai. Tu connais. Bref, là, c'était la morale d'aujourd'hui. C'est... Est-ce que laisse-moi te poser une question. Ouais. Est-ce que ça vibre de ton côté non, ou c'est vraiment juste la table ici? Qu'est-ce qui vibre? Je sais pas, on aurait dit à plusieurs reprises qu'il se passait de quoi c'est au niveau estomac. Du sol. C'est ton estomac. T'as faim, Tania. Dis-le. Non, j'ai déjà déjeuné. Okay. Toi, pas d'anecdotes à nous raconter pendant qu'on a du temps? Non, pas vraiment. Non, bon. pas aujourd'hui. Laisse-moi sur mes troubles mentaux. On écoute une petite pièce de ben Rough oui. Gentleman, une suggestion de ta part. Oui, une pièce que je vous ai fait découvrir la semaine passée. Un band aussi que j'ai découvert la semaine passée. J'aime beaucoup band de Montréal, Rough Gentleman. Alors voici Lost. Et plus tard, on aura Xavier McLeish à 8h30 pour parler d'impro. À 9h, Alfalfa Lutin, ses collègues jeux de société et alcool. Et dans quelques instants, ce sera Sébastien Gartin et son bulletin Gartin. Mais pour l'instant, tu l'as dit, voici Rough Gentleman à Assemblage Rocky. Rough Gentleman Lost dans Assemblage Requis ce matin. Un band, comme je le disais, on l'a découvert la semaine passée. C'est très bon et le lancement d'album se fait cette semaine dans le coin de Montréal. Si jamais ça vous intéresse, page Facebook du band. Rough Gentleman. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Ah, maintenant, on passe à Sébastien Gartin. Et comme à chaque semaine, il va lui parler d'actualité. Voici son bulletin Gartin. Pourquoi j'ai mis... Anecdote drôle, j'ai classé mes fichiers par ordre de modification puis j'ai fait les retours de chronique avant de faire les intros. Oh non. Après avoir fait les intros, c'est drôle. Bulletin Gartin. Salut Sébastien, veux-tu rire de moi un peu? Ris-moi. Rire de moi. Ben c'est je vais avoir d'autres occasions, je pense. Ah, okay. Des mauvais gags ou des trucs comme ça. C'est ça. Ouais. Ce qui est drôle, en fait, c'est que moi, quand je viens à votre émission, je mets pas d'écouteurs parce que la trame de fond, ça me perturbe. Ça, à mon émission, sortie de secours, à votre gauche, lundi 11h. Oh, je passe ma première plug. Première plug. C'est la plus tôt dans la chronique. C'est un petit défi que je me lance à toutes les semaines, de la plugger le plus tôt possible. Mais ouais, c'est ça. C'est, nous autres, on met pas de musique de fond parce que ça me fait complètement perdre mes ben comme ça là, perdre mes mots là. Ouais, c'est ça, ben, ça arrive, c'est comme moi, s'il y a pas de musique de fond, je m'emmerde total. Faut que j'aie un petit beat. Fait que si je comprends bien, tu nous encourages pas. Non, c'est un tout. Ah, c'est plate. L'émission est un tout. Ben non, absolument pas. Vous êtes toujours très intéressant les lundis matin à 11h, comme tu l'as dit. Mais t'es ici, t'es ici pour nous parler d'un sujet précis habituellement. Oui, avec ou sans préparation ce coup-ci. Ben, préparation, oui. Pas spécifiquement pour aujourd'hui. En fait, ce de quoi je vais parler, les gens vont être surpris. Je vais parler de l'attentat de Québec. Arrête, surprise! Ben, on va le dire quand même, et sans vouloir avoir l'air sans cœur selon certains. On n'en avait pas encore parlé. On n'avait pas encore parlé de l'émission. On savait que tu allais nous en parler. Bon, aussi parce qu'on voulait lundi et mardi être un refuge pour les auditeurs qui ont besoin d'un divertissement autre que d'entendre parler de ça. Tu sais, là, c'est fini, on est rendu mercredi. D'accord. Bon, tu sais. Bon, parfait. Ben, je vais essayer de garder ça relativement léger quand même. C'est sûr que, bon, les faits eux autres même, je pense qu'ils n'ont pas besoin de revenir dessus. D'ailleurs, justement, nous autres, lundi, l'émission, on l'a faite. On venait d'apprendre ça. On pensait encore qu'il y avait deux suspects. Alors, on sait qu'il n'y en a qu'un. Ça va être diffusé samedi matin pour ceux qui veulent vivre dans le passé. Ouais, c'est ça. C'est excellent. On a fait exprès de le dire plusieurs fois dans l'émission que pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, présentement, il est lundi. C'est comme une émission de Noël qui joue pas après Noël. C'est comme toutes les émissions qu'il y a eu en direct ou qui se sont trompées. C'est ça, ben oui. Ben oui. Voilà. On mais ça arrive ça. Souvent, en plus, quand on fait de l'actualité comme ça, ben oui. Le temps d'une semaine... C'est loin. Le temps de 5 jours, il y a le temps de. On a le temps de. Les choses ont le temps de changer. Elle pourrait facilement être rediffusée un autre jour à la place du samedi matin. Ben, rediffusée jeudi aussi. Ah bon, tant mieux. Mais bon, bref, l'autopromotion, ça va faire. Donc, l'attentat de Québec, là, on sait qu'il y a présentement un seul suspect confirmé. C'est un jeune homme originaire de Québec. L'histoire comme quoi ça serait un Marocain, ça n'a pas rapport en fait. Non, Fox News le dit sur Twitter. C'est ça, ça a pris le premier ministre, le bureau du premier ministre canadien qui disent à Fox News, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Ça remet en question un peu toute l'actualité s'ils disent ça. T'sais. Ben effectivement, mais tu sais, Fox News. C'est ça. Fait que ça faisait bien leurs affaires. Bon, il y a mon nouveau chouchou que j'ai découvert depuis une semaine, Sean Spicer, qui a utilisé l'attentat de Québec pour justifier le Muslim ban. Ouais, dans le fond, bannir les musulmans va empêcher des trucs comme les musulmans qui se font tuer par des gens qui sont pas musulmans. Exactement. Ouais. Ouais. C'est ça qui a laissé sous-entendre. Parce que ce qui est arrivé, c'est que, mettons, les médias francophones ont quand même été. Sur le coup, ça a été un petit peu frileux, mais Pierre Bruno, mettons, exemple, peut-être. Ouais, Pierre Bruno, d'ailleurs, s'est excusé pour ça. Puis comme j'espère. Il y en a... Oui. Puis d'autres personnes qui, normalement, ne défendent pas Pierre Bruno l'ont défendu dans le sens que... Ouais, mais oubliez pas le contexte, ça faisait 4 heures qu'il était en... Ouais. Non, tu sais, vrai, à un moment oui. donné, puis c'était 4 heures non-stop, là. Oui. Donc, on s'entend à manette en échappe, là. Et il y a de l'expérience en masse et c'est une erreur qui est quand même assez... pas facile à faire du tout, je dirais pas que c'est une erreur facile à faire, là. Mais quand t'es dans le moment présent et que tu dois remplir alors que t'as aucune information... C'est le genre de choses que peut-être que dans ta tête, spontanément, tu vas te dire, parce que le background habituel, effectivement, c'est le contraire un peu qu'on s'attend quand on entend, dans le fond, en tant qu'occidentaux, quand on entend parler de terroristes, on s'attend à ce que c'est pas des blancs qui tirent des musulmans ouais. d'habitude. Mais pour remettre en contexte, quand même, ce que Pierre Bruno a dit, c'est que c'était du terrorisme inversé parce que c'est un Québécois qui avait tiré sur des musulmans. C'est ça. Bon. Mais ça, bon. C'est maladroit. C'est très, très, très, très, très ouais. maladroit. Si tu prends la déclaration seule, c'est pour ça je la déclaration est dégueulasse, puis même s'en est rendu compte. C'est juste que c'est le genre d'affaire que. Tu sais, quand t'es rendu fatigué, que c'est devant 4 heures de parlage devant les caméras, de direct, non-stop, de direct. De remplissage, non-stop. On va appeler ça du remplissage. Ouais. Ben, c'est littéralement, vraiment ça. On avait rien moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est si le télésouffleur était ouvert à ce moment-là. Non, d'après moi... Probablement pas. Je pense que le télésouffleur, il est là pour dire genre, de retour pour la pause. Peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Quoique dans un direct, on passe l'info dessus. Là. Comment? Sur un direct, on va passer les informations qui rentrent au fur et ouais, à mesure dessus. Écrit, oui, clairement. S'il y avait eu un nouveau détail, genre le suspect est fait spier d'eux, n'importe quoi, il l'aurait écrit. Ouais, c'est ça. Sur... Mm. Oui. C'est le suspect fait des mauvaises blagues. Non, c'est pas vrai. Ah, hey, j'ai rien dit. C'est pas ta grandeur, ça, spier d'eux? Spier 3, en fait. Ah ouais? Ouais. Moi, je sais. Ça m'a surpris, je suis sûr que c'est spier 1,5, mais apparemment, je fais spier 3. Ah, la grosse différence. Je pense que c'est le poids. J'ai grossi la verticalité. C'est une blague. Malaise! Oui, bon! Ah! Donc, comme j'ai dit, ça allait être léger comme couverture de l'événement. Contrairement à moi. C'est ça. Moi, je pense que je viens de traiter de gros par inadvertance. Qu'est-ce que ça dit? Mais non, never mind. Okay. On va laisser faire ça. Ouais. On va changer de sujet. Bref. Fais ton attaquer Ian Conway, là, puis remène ça sur la piste. Mon Dieu. Mon autre chouchou, ben, si tu Sean Spicer, je trouve ça juste drôle. Honnêtement, tu trouves? C'est une marionnette, triste, clairement. Mais ça le gars, il est fâché, là, ouais. Il est crinqué dans son affaire. Kellyanne Conway, moi j'ai l'impression honnêtement, qu'il est juste comme. Genre, je le vois comme un peu comme un Dwight Schrute, un peu dans The Office. Ouais. C'est il le vrai plaire feeling au boss. Qu'il me laisse. Là. Fait, le boss l'aime pas, clairement. Moi je pense qu'il durera pas 2 mois. Il y a des chances. Ouais. Puis, je pense que lui, c'est vraiment un fervent crinqué de Trump. Puis ouais. On va dire lui... c'est le relationniste mm-hmm. ou le gars qui fait les conférences. Ouais, c'est de ça. Presse. C'est en fait, son poste officiel, c'est le secrétaire aux médias, je pense que ça s'appelle. Press Secretary, oui. Press Secretary de la Maison-Blanche. C'est ça, secrétaire aux médias. Ici, on appellerait ça probablement le porte-parole de la mettons, le porte-parole de la Maison-Blanche. Mm-hmm. Le porte-parole officiel. Son attaché caisse. Et voilà. C'est pas une attaché. Ouais. Moi, je trouve ça drôle de dire. Attaché aux médias, des fois aussi, qu'on utilise comme terme. Bon, c'est ça, c'est monsieur post-truth incarné, l'ère post-factuelle, dans le fond. Celui dont on a parlé la semaine passée pour dire qu'il y avait des grosses foules plus qu'Obama. Ouais, c'est ça, c'est lui, ça. Ouais. C'est premièrement, c'est celui qui était accusé de mentir, de carrément mentir aux médias. Et en plus de ça, qu'on a dit, mais pourquoi il ment sur un truc comme ça? On n'en a rien à, sur le terme, foutre. Du nombre de gens, je veux dire, en partant, ça a donné qu'il pleuvait, qu'il faisait pas beau, puis tout le kit. Il y a du monde qui sont allés manifester après. Mais ce qui est important, c'est que c'est Trump qui trouve ça important, pas Sean Spicer. Ouais, c'est ça. Hein? Mais c'est toute la patente, en fait. Bref, quand tu parlais après ça de Kellyanne Conway, qui, elle, c'est une conseillère particulière au président. Ouais, c'est ça. C'est son nouveau titre. Elle s'occupait de tout ce qui était presse avant qu'il soit élu. C'est ça. Pendant la présidentielle, en fait, juste avant, elle, c'était une fidèle de Ted Cruz. Ouais. Quand Ted Cruz s'est retiré, elle a fait le switch dans l'équipe Trump. Du point de vue de l'équipe Trump, c'était une... très pratique à avoir. Oui, un bon achat. Oui. C'est un bon achat, on va dire ça comme ça. Mais on va dire que c'est une opportunité, opportuniste de carrière. C'est ça. Par contre, elle, la différence, c'est ça, c'est elle qui a fait la semaine dernière, qui a dit la phrase maintenant célèbre « Alternative facts ». C'est un l'excellent peu l'excellent hashtag « Fait alternatif ». Ah, OK, oui. Bernie Sanders est président. « Fait alternatif ». Ouais, genre. Genre. Mais... Donc c'est ça, mais ça c'est pas les faits alternatifs dans ce cas-ci, c'est ça, c'était Fox News en fait. Pour comprendre ce qui s'était passé, c'est que au moment de l'attentat lui-même, tout de suite après, la réaction policière a été assez rapide et il y a un jeune homme qui était d'origine marocaine apparemment, mais qui était quand même un Québécois, spécifions-le, c'est juste que c'est un Québécois d'origine marocaine. Qui s'est fait appréhender à la sortie de la mosquée, dans le fond, tout de suite après l'attentat. Puis il y a eu comme un imbroglio des médias parce que les médias croyaient qu'il avait été appréhendé comme suspect alors qu'il avait été juste amener comme témoin oculaire des faits, en fait. Ils se renseignent pas, les médias, avant de rapporter des choses. Ben, c'est apparemment, ça. Le jeune homme en question est lui-même sorti dans les médias pour dire que la police avait vraiment fait son travail, parce que lui, il a eu peur, puis il est parti en courant, et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont attrapé comme étant un suspect. Et à ce moment-là, il a dit, moi-même aussi, je me serais arrêtée. Je cours, je sors d'une place où puis c'est parce qu'il avait vu un des policiers passer à côté de lui qui, justement, il a eu peur. C'est pour ça qu'il est parti à courir. Donc, lui-même est sorti dans les médias un petit peu plus tôt cette semaine en disant, j'aurais fait la même chose si j'avais été policier. C'est pas normal que quelqu'un parte en courant comme ça dans un événement comme celui-là. J'aurais dû rester là, mais j'ai eu peur. Donc oui, on m'a vu comme étant un suspect au lieu d'être simplement un témoin. Mais les médias ont pas été... Est-ce que j'ai lu un article disant que les médias étaient allés voir les voisins de la mosquée pour aller les interviewer puis voir s'ils pouvaient filmer de leur maison? Mais non! J'espère que c'est J'ai lu quelque chose du genre, moi, c'était sur cet événement-là ou un autre événement, mais reste que les médias font ça. J'ai pas vu ça passer, mais je suis pas surpris que ce soit vrai. Ouais, c'est ça. Il y a certaines chaînes de télévision qu'on nommera pas parce qu'on n'a pas besoin, qui sont bien fortes sur le sensationnalisme et le on va aller écœurer les familles des victimes tout de suite après les faits. Là. Ça, c'est déplorable. Mais effectivement, ce qui est le plus déplorable encore, c'est... Moi, je reviens toujours à la phrase rendue célèbre par... C'était Olivier Niquet de La Soirée est encore jeune qui avait spoté ça puis qui l'a rendu célèbre. Il s'en sert comme bumper dans leur émission, d'ailleurs, là. D'Éric Duhaime qui dit vaut mieux de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Ouais. C'est l'impression que j'ai à toutes les fois. C'est OK, on a comme sous-entendu. Il y a un policier qui a comme laissé échapper de quoi. Fait qu'on va comme extrapoler là-dessus puis on va présenter ça des nouvelles parce que c'est après. Une chaîne 24 heures d'information. Exact. Chaque petit grain d'information. Ouais. Puis on va le discuter pendant une demi-heure parce avec qu'on a rien que ça à faire. Des têtes avec juste des épaules qui parlent. C'est ça. Expliquer les faits qu'on sait. Il y a eu une fusillade. On sait pas c'est qui. On sait pas c'est quoi. Rester en onde. On va peut-être avoir des informations dans une heure. Parle les autres nouvelles pendant ce temps-là. Ah boy. Fais-le défiler sur le ruban dans le beau pire qui sert à ça. En fait, c'est à ça que ça sert. Interromps l'autre nouvelle moins pressante si c'est une nouvelle information qui rentre. Exact. Mais Saint-Simonac. 5, 6, 7, 8 Monaco. C'est ça, là. Ça dépasse les limites. Arrêtez de faire ça parce que ça donne des choses comme après ça. Fox News, ce gars. Puis on parle contre nos médias québécois, puis je pense que sérieusement. C'est les seuls qui les regardent. Comment est-ce que je suis déçu souvent de nos médias québécois? Je regarde après ça Fox News, puis je me dis, on n'est pas si pire. Ouais, c'est ça. On est vraiment pas si pire. Quand on se compare, on se console. Exactement. Ben. C'est ce qu'ils disent. Nous autres, c'est du sensationnalisme et du remplissage d'ondes. Ouais. Fox News, c'est ça. Puis en plus, avec un agenda politique assez radical en arrière. Même pas caché, on le sait. Les gens en prime time sur Fox News se disent eux-mêmes conservateurs. Mm-hmm. Ça n'a pas t'sais, de mettons, bon sens. Les autres à CNN ou peu importe vont dire, tu sais, ah, on essaie d'être le plus centriste possible, on invite des invités des deux bords. C'est vrai. Ça. T'sais, personnellement, je vais jamais me prétendre un journaliste, ne serait-ce que parce que je l'ai dit en nom d'un paquet de fois, j'ai ma carte de Québec solidaire. Fait que je considère que je peux pas être un journaliste parce que je suis pas neutre politiquement. T'es moins biaisé que d'autres chroniqueurs qu'on a eu par le passé. Ouais. Ben merci. Mais j'essaie de moins l'être possible, mais je considère qu'ultimement, je suis biaisé. Ouais. Je veux dire, je peux pas prétendre à la neutralité journalistique. Divulgation, c'est l'important dans les médias. C'est de la divulgation. Oui, divulgation, mais en même temps. Moi, je pense qu'il y a un doute normal à avoir par rapport à quand je dis quelque chose. C'est pour ça qu'à la base, de toute façon, je pense que je rapporte des faits, mais je fais plus de l'opinion de toute façon. Fait que... Est-ce qu'on avait un temps en train de parler d'un sujet avant de faire des parenthèses? Ouais, c'est ça. Mais bon, regarde, c'est une chronique avec pas de casque. Oh oui! Puis c'est rare, ça. À base, j'ai pas le goût de faire de excusez-moi. Est-ce que tu dénonces? Le début de journée n'a pas été facile aujourd'hui. Ah, je suis désolé. C'est ça, j'ai pas envie de faire ce que je dénonce. Donc, merci Tania. T'as plaisir. Chance, t'es là. Mais c'est ça. Des fois, c'est dans le droit chemin. Elle se fait attendre, mais quand t'as dit quelque chose, c'est vraiment pertinent. Oui. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je veux pas faire de la nouvelle sensationnaliste. En fait, la chose de... Ce que j'avais dans la tête de parler ce matin... c'est qu'il y a un truc qui a circulé un peu qui m'a intéressé, qui est plus, tu pourrais appeler ça les nouvelles de la gauche, mettons. Dans les milieux de gauche, premièrement, je veux rassurer les gens de droite, il n'y a personne qui est heureux de ça. parce que j'ai déjà entendu parler du monde de puis là, on s'entend, je parle pas de gens qu'on connaît ici à radio. Oui, ouais, ça serait facile de mettre j'ai vu passer. Puis nos gens de droite à radio ici sont bien smart, puis sont pas de même pantoute. C'est ça, sont parlables. Ouais. Résonnant. Salut Sam. Girard. Oui, mais, la liberté, jeudi, 9h30. Ils ont le droit à leur plug, eux autres aussi. Quoi? Ils ont le droit à leur plug, eux autres aussi. Ben oui, c'est sûr. Bien sûr. Mais c'est ça. Mais j'ai quand même vu certains milieux beaucoup plus. Ce qu'on pourrait pas mal appeler des nationalistes blancs, là, des choses comme ouais, ça, ouais, ouais. Qui disaient hein, la gauche serait donc bien content hein, qu'il y ait un blanc qui tire sur des musulmans, pourrait dire qu'on est tous des t'sais, fait que, là. Mais non, personne n'exulte de ça. Ça, on va le souligner. Personne n'a dit ça? Personne n'a dit ça. Moi, j'ai pas vu personne dire « Ah, c'est une bonne affaire, finalement, le monde a le nez dans le cadre. » Tu es allé sur Facebook? Non. Oui. OK, t'as fait le tour? J'essaie de garder mon Facebook quand même assez propre. Ouais, c'est ça, parce qu'on s'entend. Mon seul plaisir malsain de section commentaires, moi, c'est comme je le dis des fois, c'est la Gazette de Montréal. Okay. Parce que je trouve ça tout le temps un petit peu comique, comment est-ce que certains anglophones montréalais ont tendance à tout ramener au fait qu'on est donc tous des péquistes, puis c'est pour ça qu'on est donc tous racistes. Pis tout. Ça me fait plus rire qu'autre chose, honnêtement. Hein. Mais j'aimerais leur rappeler d'ailleurs que ça reste que même les francophones. Présentement, genre, ils ont quand même élu le Parti libéral. Là, ouais. Que, genre, ouais, en tout cas, moi, ça me fait tout le temps rire qu'ils pensent que du moment que tu parles français, t'es nécessairement un péquiste, t'es nécessairement un raciste. Ça, c'est vrai, hein, c'est une grande généralité. Mais, ouais. As-tu vu sur. Je sais pas si c'est France 24, quelque chose comme ça, qui ont fait un reportage sur la mosquée de Québec et qui ont pris deux personnes de la ville de Québec qui parlent en anglais, puis ils ont doublé. Non. C'est juste pour. Le Québec vu par l'extérieur est pas tout le temps pareil comme on pense qu'il va être montré. T'sais. Deux anglophones à Québec, ça représente pour toi le reportage sur la ville de Québec. La ville de Québec, y a-tu personne qui parle anglais? C'est ça. Ils ont trouvé les deux seuls, je pense. Sérieusement, là, c'est je veux dire, justement à Montréal, trouver des anglophones, facile. Ouais. La ville de Québec. Mais d'après moi, c'est plus facile de trouver un anglophone dans la ville de Québec qu'ici. Qu'à Trois-Rivières, oui. Ouais. Ouais, probablement. Ça, c'est vrai. Ouais. Méchante ellipse. C'est pas une ellipse, c'est le contraire d'une ellipse. Avoue que c'est intéressant quand même. Voilà, effectivement. Non, moi, où ce que je voulais amener cette discussion-là, en fait, c'est. On a encore passé plus de temps à parler de ce que je parlerai pas que de ce que je voulais parler. C'est le fun de ta chronique. C'est ça, les chroniques avec pas de casque. En fait, là, ce qui est drôle, la raison pourquoi est-ce que cette session-ci, à date, je suis pas autant préparé, c'est parce que ça finit le temps que je finis de travailler à 9h le soir, le mardi soir, dans ce temps ici, fait que j'ai pas le temps de me préparer avant la chronique. Puis vu que j'essaie de me prendre la dernière minute pour être dans l'actualité, ça donne ça. Fait que ça, c'est mes excuses plates. Pas besoin de faire des excuses. Bref. Parce que sinon, moi aussi, je dirais, genre, j'ai plus d'ordinateur chez nous, fait qu'en ce moment, je peux pas préparer l'émission. Ouais, mais t'as... Tu veux que je commente ou non. Je reste là? OK. Vas-y, d'en voir. La job t'en paye un, toi, par exemple. C'est pour ça que t'as pas de chronique aujourd'hui? Non, parce qu'on a pas le temps. De quoi, ma job me paye un ordi? Mais je me paye pas l'ordi. Ben, t'en as un ici. Ben, je vais venir préparer l'émission ici. Ben, ouais. Pas payé pour ça. Payé pour ça chez nous. Ben, j'ai un ordi. Ouais, c'est ça que je vais faire. Va à la bibliothèque, il y en a des. Oui, je suis pas étudiant. Ah, c'est vrai. Non, mais pas la bibliothèque de la ville de Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai. Ils prennent des ordis. Ouais. Ben, d'après moi, oui. Tu peux faire de la recherche là-bas. Des 2,86. Non, les ordis sont corrects. Ouais. J'ai fait des travaux là, plutôt. Hey, là, on est loin du sujet. Ouais, vraiment. Là, on a atteint le fond du baril, sérieusement. on a atteint l'extrême, le bord de la carte. Ça, c'était pas écoutable comme segment. Ouais, vraiment. On salue les gens qui sont restés. On est désolé. On s'excuse. C'était vraiment, on règle nos comptes. À la radio. À la radio. Wow. T'as commencé. Je me sens, effectivement. Ouais. Je suis désolé. Je tiens à m'excuser à tous les auditeurs et auditrices d'Assemblage Requis. Je suis vraiment désolé. Vous pouvez nous écrire, on va vous envoyer un chèque par la poste au montant que vous avez payé pour écouter ces fous. Ça aussi, ça mérite des excuses, je pense. Donc, on va pas repartir là-dessus. Donc, ce de quoi je voulais parler finalement, c'était que, en fait, comme je disais, dans la deep gauche, mettons, il y a eu des gens qui ont critiqué le fait que, ben, une partie de ça, je trouve que c'est quand même avec raison, c'est que il y a eu quand même, si on a quand même, ce coup-là, quand même utilisé les termes attentat, le terme attentat terroriste, carrément. Entre guillemets, souvent. Ouais, certains, mais quand même. Tu sais, le terme a quand même été utilisé avec point trop de gêne à partir d'hier, en tout cas, c'est certain. Il y a eu, ça a été quand même un petit peu critiqué que c'était pas tant que ça, mais sinon, ce qui était critiqué un peu, c'était le traitement du suspect, en fait. Comment est-ce qu'on avait... Bon, on avait de la misère à dire que c'était un terroriste. On disait que c'était un loup solitaire, puis tout. Bon, tant qu'à moi, un loup solitaire, ça veut déjà un peu dire un terroriste. Mais... c'est ça, on disait qu'il y avait comme un peu de l'euphémisme autour de tout ça. Parce que c'était un jeune blanc qui était pas vraiment relié à quelconque religion, puis que là, à cette heure, dans l'inconscient collectif, on dirait que terroriste égale religion. Ouais. Mm-hmm. Bon, j'ai quelques amis musulmans qui m'ont très bien dit que n'importe qui fait du terrorisme dans l'islam serait pas reconnu comme ça un musulman, compte, ouais. Parce que c'est écrit noir sur blanc que tu tues pas du monde sauf pour te défendre dans le Coran. Soit dit en passant, là, toute la gang qui dit oh, c'est une religion violente, là, il y a... Renseignez-vous un minimum. Ouais, c'est ça. Pareil comme dans la Bible, il y a des places aussi qu'il y a des drôles de règlements. Pis vous auriez pas, mais... Selon la Bible, vous n'avez pas le droit de vous faire tatouer, je pense. Il y a plein de trucs comme ça que vous n'avez pas le droit de faire. Bon, c'est ça, là, on partira pas sur la théologie comparative, là, ouais. Mais oui, tu sais, les textes religieux ont été écrits à une époque où c'était très normal de couper la main de quelqu'un c'est qui ça, volait. La même chose dans la Bible, d'ailleurs. Je me rappelle, c'est quoi la punition pour porter du linge, du vêtement fait des vêtements faits de fibres... voyons. Deux sortes de fibres différentes. Mélangées. Des fibres mélangées, mais il y a une punition assez violente pour ça dans la vie. Je m'appelle juste tu sais quoi. Mais tu sais, si vous portez du linge polyester et coton, présentement, vous commettez un blasphème. Ouais. D'après la Bible. Mais bon, on s'entend, il n'y a plus aucun chrétien qui applique ça présentement. Bref. Même chose pour le Coran. Bref. On partira pas là-dessus. C'est hein? ça. Là encore, c'était pour parler du fait que c'était pour... évidemment, le suspect, c'était pas pour des motifs religieux. C'était pour des motifs idéologiques, probablement. Là, je dis probablement, parce que de un, c'est un suspect. On n'est pas encore certain que c'est lui qui l'a fait. Puis là encore, même... En n'étant pas certain, comment veux-tu être certain de ses motifs s'il l'a fait? Tout ce que tu peux savoir, c'est ce qu'il va te dire, puis c'est pas nécessairement vrai. Puis moi, je trouve qu'il y a certaines formes d'athéistes qui sont très, très proches de la religion radicale. Mm-hmm. On va se le dire, on en a vu des exemples. Puis là, je m'excuse, on va faire un point Godwin, mais pensez juste à l'Allemagne nazie. C'était complètement, c'était très, quand très on parle athée des nazis, comme idéologie, mais ça reste que... Il y avait quelque chose de il y en avait quelque chose quasiment quelque chose de religieux là, dans ce qui le personnage d'Hitler puis tout ça avec son charisme tout ça, il y avait un petit quelque chose de leader de secte. Fait que c'est ça, des fois ça peut un peu pas être une affaire théiste, on va dire, c'est-à-dire qui est relié avec la croyance à un être divin. Ça peut quand même avoir un petit quelque chose de religieux dans le sens de comment est-ce que c'est ça, je sais pas comment dire ça là, mais l'espèce de pouvoir que ça peut avoir sur les gens comme idéologie. Bref, ça serait des motifs idéologiques. Ça serait, puis là, comme je dis, on fait bien attention, on reste au conditionnel pour l'instant, parce qu'il n'y a rien de confirmé à 100%. On sait que c'est un suspect, c'est tout. En date de mercredi matin. C'est vrai pour les rediffusions. Je pense qu'il y a des affaires qui vont être coupées au montage, hein? Ah, c'est... Mais... J'aime ça, faire du montage. Ça, je fais ça à job. Préparation chez nous. Montage sonore à job. Voilà. Donc, mais c'est ça. Vu que les motifs sont pas les motifs qu'on est habitué de voir pour du terrorisme, en tout cas, l'impression qu'on en a dans l'inconscient collectif, parce que la réalité, en fait, est beaucoup plus nuancée quand vous arrêtez vraiment aux faits. Ouais. Mais où ce que je veux en venir avec ça, c'est que y a des gens qui disent qu'on a simplement été trop doux avec le suspect. Bon, premièrement, moi, ce que je me dis, c'est que justement, c'est un suspect, c'est pas encore un condamné. On l'a pas encore déclaré coupable. Je veux dire, présentement, la justice suit son cours. On va le savoir probablement que ça va être assez expéditif s'il y a un trial pour ça. Espérons-le. Hey, j'ai vraiment utilisé un gros anglicisme. Un procès, oui. Mais on aime toujours la population dans les médias. Je lis beaucoup en anglais pour mes nouvelles, fait que ça, des fois, on est les trois là-dessus, je pense. Ouais. On est les trois seuls dans le pavillon à tout faire en anglais. Mais non, j'allais dire que la population sur Facebook et dans la communauté en général, tu sais, en anglais, on dit judge, jury and executioner. Genre, t'es le jury, le juge et la personne qui veut exécuter la personne, vu que tout le monde pense que... Le bourreau. Voilà. Ben, bravo, tu réussis finalement quand, à quand tu me laisses le temps. Faut pas être live. Comme Pierre Bruno, faudrait que ça préenregistré quand tu breaks. C'est ça, faudrait que je fasse du préenregistré, je serais peut-être meilleur. Ça me permettrait de me. J'aimerais faire des podcasts dans le fond. Ça me permettrait de faire plusieurs takes parce que on je va finir par tout perdre nos animateurs, c'est ça. Ben non, c'est le fun pareil. Ben oui. Je me dis juste que si je voulais être à Radio-Canada, il faudrait que je prenne des cours de diction, là, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Mais c'est ça. Puis comme je disais, il y a des gens qui ont dit qu'on avait été trop doux parce qu'entre autres, on avait ce qu'on appelle un discours psychologisant par rapport au suspect. C'est-à-dire que, bon, là, on s'en va fouiller dans son histoire de famille, dans son enfance. On va essayer de trouver toutes les petites... Là encore, toutes les petites graines d'informations pour dire « Ah ouais, mais tu sais, pour expliquer son comportement. » Puis là, il y en a, mettons, qu'on disait « Bon, il s'est fait... il se faisait intimider quand il était jeune, mm-hmm. apparemment. Il y a un frère jumeau, les deux avaient pas tellement le même tempérament. Lui, il était assez renfermé, assez introverti. Il a été connu dans son entourage comme un petit gars ben calme, ben ouais, justement introverti. Il y a sûrement eu des collègues de classe en témoignage pour dire ah, il était pourtant bien normal. C'est ça. Il y en a qui disaient qu'il était quand même, il y avait déjà assez jeune des opinions assez tranchées, ouais. Mais qui était pas très, il en parlait pas beaucoup, justement, mm-hmm. vu qu'il était assez introverti. Bon, tout ça, là. Moi, ce que je vois deux côtés à ça. Parce qu'il y en a qui vont accuser les gens qui vont chercher ces informations-là de dire c'est un discours psychologisé, on essaye de l'excuser. Ouais. Je suis un peu d'accord avec ça. C'est sûr que la thèse des gens qui vont faire cette accusation-là directement comme ça au moment que ça arrive, c'est que ce qu'ils vont se dire, c'est bon, là, on sait bien, c'est un blanc, on essaye de l'excuser de faire de la violence. Pour essayer de créer un contraste avec quand c'est des minorités visibles qui font des actes terroristes, des gens issus des minorités visibles qui font des actes terroristes. Moi, ce que je me dis avec ça, c'est que oui, peut-être, honnêtement, il y a peut-être un peu de ça, mais en même temps, c'est que ça révèle un genre de malaise parce que, bon, on s'entend, c'est des gens du même groupe ethnique, c'est-à-dire des blancs francophones occidentaux, tout le kit, qui vont aller faire ça. Puis c'est qu'une des affaires, c'est que oui, quand que moi, je pense que ça dénote une certaine prise de conscience, en fait, puis c'est juste qu'on essaie de je m'excuse de l'anglicisme, et de dealer avec. C'est-à-dire qu'on essaie de faire du sens avec quelque chose qui, avec notre vision du monde actuel, ne fait pas de sens. Ouais. On essaie de se l'expliquer. Mm-hmm. Puis ça, c'est une nuance qui est importante à apporter. Excuser puis expliquer, c'est pas la même chose. Ouais. Quelque chose qui explique un comportement ne va pas l'excuser si on le considère... mettons, expliquer un comportement répréhensible ne va pas excuser ce comportement-là. Il va juste essayer de faire du sens. Il n'y a rien qui sort de nulle part. D'aller essayer de dire, ben là, c'est clair que c'est un débile, puis qu'il y a des problèmes mentaux, puis nanana. Là, oui, ça, c'est pas correct, parce que là, c'est vrai qu'on va aller stigmatiser des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis d'aller prétendre que ben, le fait d'avoir des problèmes de santé mentale, ça te rend violent. Ça, c'est pas vrai. Par contre, un acte violent à la base, probablement que, puis même dans le cas de quand c'est encore des minorités visibles, ce qu'on, mettons l'attentat qu'on va considérer comme typique dans l'inconscient collectif, là, je me back beaucoup par rapport à ça parce que c'est ce qu'on va considérer comme l'attentat typique, c'est pas nécessairement représentatif de la réalité. Non, mm-hmm. mais c'est sûr qu'on voit le plus souvent dans les médias parce que ça arrive à toutes les 2-3 semaines. C'est ça. Depuis quelques années. Mais en fait, présentement dans le monde, les plus grandes victimes de terroristes, c'est pas premièrement, c'est pas des blancs, ouais, c'est au Moyen-Orient, c'est les populations civiles du Moyen-Orient qui en mangent le plus. Moyen-Orient puis Afrique. Fait que c'est notre typique là, l'attentat spectaculaire dans une ville en Occident à la bombe ou avec des armes illégales comme nous autres on voit là. C'est pas l'attentat. Si on regarde vraiment tous les attentats, tout ce qui se qualifie généralement comme un attentat terroriste, c'est loin d'être la majorité. C'est les plus impressionnants, puis c'est proche de nous. Fait que c'est pour ça que nos médias en parlent beaucoup plus, parlent pendant des semaines. Mais à tous les jours, au Moyen-Orient et en Afrique, il y a des attentats beaucoup plus meurtriers que 6 personnes. Ça, c'est quand même. Je suis peut-être un peu tôt après les faits pour dire ça, mais c'est un truc qui, à un moment donné, il faut se garder en tête. C'est aussi ça. De, faut c'est voir très la normal que quand c'est plus proche, ça nous touche plus. On est construit comme ça. C'est parfaitement normal. Puis là, je suis pas en train d'essayer de donner honte aux gens qui, présentement, se sentent extrêmement touchés et sont traumatisés parce que c'est passé. C'est normal, ça s'est passé dans notre cours. Là. C'est normal que ça nous touche beaucoup plus. Je voulais juste dire que allez pas penser que c'est soudainement... la définition complète de terroriste qui change à cause de ça. Ouais. C'est un peu ça. Je voulais donner un peu de contexte par rapport à tout ça. Moi, je pense que quand les gens essayent d'expliquer quelque chose, ben, c'est un signe qu'ils essayent de dealer avec, d'essayer de faire du sens avec, d'être capable de l'intégrer dans leur vision du monde. Si ça peut leur faire évoluer leur vision du monde, ben, T'sais, je pense que c'est un signe que le monde a des prises de conscience par rapport à ça. Collectivement, si on a une responsabilité, je pense que c'est justement de ne pas se désolidariser des victimes, quelles qu'elles soient. Mon co-animateur à la sortie de secours est à votre gauche, Lucas, lui, il appelle ça le point de vue de John Oliver, c'est qu'il dit les gens qui commettent des actes terroristes, déjà là, se mettent eux-mêmes dans une catégorie à part de des merdes de l'humanité, là, carrément. Ouais. Fait c'est juste de dire que peu importe ce qu'on va dire par après, d'explication des faits, de mise en contexte des faits, faut pas oublier que le geste est infiniment répréhensible et est inexcusable. J'ai le même point de vue, c'est juste que je me fais pas du... Je veux pas passer du temps à spécifier que, oui, la personne qui a commis cet acte-là, puis comme je dis, moi, je me garde tout ça une petite gêne de dire c'est encore un suspect, on sait pas exactement ce qui s'est passé, il y a rien de confirmé encore, faut laisser la justice faire son... suivre son cours, mais... ça reste que, je pense que faut quand même garder en tête que quand on essaie d'expliquer quelque chose, le but, c'est ça, c'est d'apprendre un peu à vivre avec ce fait-là, puis pas se laisser submerger par ce que ça nous apporte comme émotion négative, comme remise en question, puis tout. Et je pense qu'il y a un certain examen de conscience par rapport à ça. Je suis pas en train de dire que la collectivité québécoise est coupable de quelque chose par rapport à ça, mais je pense qu'il y a quand même des questions qu'il faut se poser de comment est-ce que ça se fait un truc comme ça. Ça peut prendre quelques jours avant d'y penser. C'est ça. C'est pas obligé de se faire aujourd'hui, par contre. Mais je pense qu'éventuellement, sans dire que... Parce que ça a circulé. L'idée comme quoi est-ce que, oui, tu sais, les politiciens, il y a peut-être de la politique des dernières années qui s'est faite sur le dos des minorités visibles, peut-être que ça a une influence là-dessus. Probablement. Je veux pas, on baigne un peu là-dedans, mais est-ce que, bon... Faut quand même, comme je dis, c'est un examen collectif qu'il faut faire à un moment donné de pourquoi on en vient à des actes comme ça puis tout. Puis là, comme je le dis encore, je veux le répéter, je suis pas en train de dire faut se sentir coupable de ça non plus. C'est pas nous autres même qui a tiré sa gâchette. Fait que tu sais, c'est juste qu'il faut comprendre ça. C'est pas rien qu'un acte isolé. Cette personne-là est pas apparue du jour au lendemain non plus. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est la nuance à apporter entre les deux de dire faut pas l'excuser, mais il y a quand même des explications des fois. Puis je pense que c'est important de se poser des questions dans la vie. Tout à fait. Wow. On va finir ça là-dessus. Hein, tu vois, il a réussi à plugger une dernière phrase qui est une morale. On aime ça, finir ça comme ça. On adore ça. Merci, Sébastien Vigasin. Je me sens comme Dan Simpson. Wow, oui. donc, on se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 7h30 pour notre chronique du Lutin Gartin. Oui. Et on t'écoute les lundis matins à 11h. La sortie de secours est à votre gauche. Voilà. On rappelle les jeudis et les samedis matins, là où la nouvelle sera très, très datée. Exactement. Mais pas datée avec un apostrophe d'athée. Bon. Ça avait bien fini pour toi. Moi, je sais. Au retour de la pause, Tania is gonna entertain you. Si on a le temps, peut-être que je ferai une chronique. On verra. On a aussi Xavier McLeish qui travaille pour parler de la lutte et puis Alfalfa le lutin plus tard. Mais avant ça, on va dédier une chanson à ceux qui essaient de quitter les nombreux aéroports avec ce qui s'est passé depuis les derniers jours. Voici Dearly Beloved et I Tried to Leave. À son agent. Let's go. The Beloved, et I Try to Leave à Assemblage Rocky. Restez là au retour, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. Salut Tania. Allô. Assemblage Rocky. Et toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Assemblage de toujours à Assemblage Rocky, on est mercredi 1er février 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Avec le temps qui passe, je pense qu'on va de moins en moins avoir une autre chronique de moi encore aujourd'hui. Je vais devoir sacrifier ma chronique. Ben oui, mais c'est pas grave, écoute. La mienne sera courte aussi. Ah ben tiens, allons-y justement avec la tienne. On est tous très contents de t'entendre. T'as dit des choses pertinentes tantôt dans la chronique de Sébastien. Pardon. Mais là, ça va être du pertinent à temps plein dans cette chronique-là. Voici Tania Is Gonna Entertain Ya. C'est pas un conseil, c'est un nom. C'est ça. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain Tania Baudin. Bon matin. Bonjour à toi. Comment allez-vous toujours? Ça va très bien, ça va très bien. Super. De quoi est-ce qu'on parle ce matin? Eh bien, vous l'aurez peut-être entendu déjà dans ma voix. Ça sonne un petit peu grippe, ouais. Mon affaire. Mais je vais vous parler d'un événement qui pourrait vous donner l'occasion et surtout le goût d'aller jouer dehors un petit peu plus et de peut-être tenter, si vous êtes mal habillé, d'attraper la grippe, c'est comme vous voulez. Ah, bon. Mais je tiens à vous le dire, habillez-vous quand même chaudement pour ce genre d'événement-là. Parce que ce matin, je vais vous parler des nuits polaires qui se déroulent au centre-ville de Trois-Rivières. Et ça fait déjà maintenant 11 ans que les nuits polaires existent. Je dois avouer que je donne de mon temps aux nuits polaires depuis maintenant vraiment beaucoup d'années. J'essaie de voir si ça fait déjà 11 ans que je le fais. Tu fais quoi pour eux? Je pense que oui. Du bénévolat. Okay. Écoutez, en passant, si jamais ça vous intéresse, bien, il y a un centre de bénévoles. Si vous voulez donner de votre temps durant les fins de semaine des nuits polaires, c'est quelque chose que vous pouvez faire, oui. Vous avez simplement à vous rendre sur le site internet qui est à dire nuits polaires au pluriel. .ca et c'est très bien identifié. Alors, si jamais vous voulez profiter des spectacles de façon totalement gratuite, comme n'importe qui va se rendre là-bas, mais aussi donner de votre temps en tant que bénévole, bien, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié parce que justement, c'est un événement qui est gratuit pour tout le monde. N'importe qui de la ville de Trois-Rivières ou des environs peuvent venir. Alors, parfois, la gestion d'événements comme celui-là devient de plus en plus grand selon le nombre de personnes qui vont être présents sur le site. Et bien évidemment, on essaie d'accommoder les bénévoles en fonction de ce qui va se passer durant les événements. Mmh. Voilà. Tu as dit deux fins de semaine, je sais pas. Non, hey, non. Trois fins de semaine. Hey. Ok, oui. Parce que, attendez, on change un petit peu la mission cette année pour les nuits polaires. On essaie en fait de se donner un nouveau souffle et aussi de dynamiser le centre-ville. Les nuits polaires, ça a toujours été sous la forme d'un seul week-end. Mmh. On avait le vendredi, le samedi et le dimanche. Et on y a toujours été pas mal dans la même optique, c'est-à-dire un petit peu de rock le vendredi, un petit peu plus jeune le samedi et le côté très familial de l'événement qui était le dimanche. Donc, on a décidé de dynamiser ça sous une autre forme parce que, bon, on le sait, c'est sûr, une fin de semaine, une grande fin de semaine à l'extérieur comme ça, il peut faire froid assez rapidement. Ça peut être aussi... ça peut prendre du temps. On n'a peut-être pas tout le temps nécessairement le temps de passer une grande fin de semaine complète sur les lieux et de faire quelque chose. Bien évidemment, le centre-ville, c'est un centre-ville ici à Trois-Rivières qui est souvent encombré. Tu sais, on a beaucoup de choses qui se passent du côté du centre-ville. On a plusieurs commerces du côté du centre-ville. Et bien évidemment, lorsqu'on fait un événement comme celui des Nuits polaires où les spectacles sont à l'extérieur, bien, c'est les commerçants aussi qui vont pouvoir soit en bénéficier ou en écoper selon comment ça se produit. Alors, on a décidé de justement changer la formule pour que ça soit un petit peu plus facile à vivre du côté du centre-ville durant l'événement. Alors, ça va être trois samedis. Okay. Je vais vous les nommer. En fait, c'est le 18 février, le 25 février et le 4 mars, pardon. Donc, c'est vraiment trois samedis. On se concentre sur les samedis parce que c'est le cœur de la fin de semaine. On se dit, ah, OK, on a eu le vendredi pour relaxer de la semaine de travail. On va y aller le samedi. Il y a des activités, bien évidemment, pendant la journée. Il va y avoir une patinoire extérieure qui va rester ouverte jusqu'à minuit. Wow. Alors ça, c'est vraiment le fun. Si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de laisser vos patins là, dans la cabine qu'il va y avoir là-bas. Vous allez pouvoir laisser vos patins pour tout simplement aller bénéficier des autres activités qu'il va y avoir autour de la patinoire et revenir avant minuit pour récupérer vos patins et par la suite aller peut-être justement voir le spectacle, revenir prendre les patins et partir par la suite. C'est comme vous voulez, vous arrangez bien évidemment votre temps selon ce que vous voulez faire. Mais durant la journée, c'est sûr qu'on va avoir l'aspect beaucoup plus familial qu'on avait depuis déjà plusieurs années. Il va y avoir des jeux gonflables encore une fois, il va y avoir beaucoup d'activités. Et le soir, on arrive avec une tonne et une tonne de spectacles. On s'entend, c'est trois samedis différents et on a trois artistes par soir. Donc, ça nous fait quand même un bel événement de neuf artistes qui vont se produire sur trois fins de semaine différentes. La première fin de semaine, ça va jouer un petit peu plus rock, un petit peu... Style vendredi avant. Exactement, style vendredi, c'est encore l'optique qu'on garde. Alors, le premier artiste qu'on va voir sur la scène de la rue des Forges, c'est Jailbird Joseph. Jailbird Joseph, en fait, c'est un gars de Trois-Rivières, de la Mauricie, que la plupart ont réussi à connaître à la première édition de La Voix. Mm-hmm. Mais on joue aussi dans le style blues, dans le style un peu indie. Donc, c'est vraiment très le fun. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez bien évidemment aller écouter quelques pièces de lui sur Internet avant d'aller voir le spectacle. Par la suite, on va avoir le même soir, c'est-à-dire en théorie une heure plus tard, on va avoir le band Jonas and the Massive Attraction. Jonas qui, je crois, est un des bands rock les plus connus au Québec. Et j'y vais vraiment du avec... du rock mollo, là. Ouais, c'est ça, ouais. J'y vais avec les guillemets parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de bands rock au Québec. Mais quand on parle de Jonas and the Massive Attraction, évidemment, c'est un band que la plupart du temps, les gens vont connaître. Donc, ça va bouger de ce côté-là. Ça va être, comme tu disais, un petit peu dans l'optique qu'on avait le vendredi avant. Et par la suite, aux alentours de 21h30, et on va retrouver la formule qu'on avait aussi à chaque événement, c'est-à-dire à chaque vendredi et à chaque samedi des dernières formules, on arrive avec un DJ. Et là, ça va être DJ Prince Lambert qui va être là, qui va faire bouger les gens dans la rue. C'est l'animateur de C'est fou, en passant. Oui. C'est vrai? Ben, je te jure. OK. qui va être là pour justement faire bouger les gens, que ce soit les plus vieux, que ce soit les plus jeunes. On s'entend, c'est vers 21h30 et bien souvent, ça va mettre la map aux gens qui sont là pour peut-être se dire « Bon, ben je pense qu'on va continuer ça dans un commerce aux alentours. Soit qu'on va aller boire un verre, on va aller boire une bière ou encore on va sortir, on va aller continuer à danser. » Donc, 21h30, c'est la formule qui fonctionne très, très bien depuis des années. Alors, vous l'aurez compris que la première fin de semaine, le premier samedi des événements, ça va être un petit peu plus rock. Par la suite, on va se transporter du côté du 25 février, c'est-à-dire une semaine plus tard. Encore une fois, durant le jour, vous allez avoir les activités qui vont être pour tous, les jeux gonflables, le parc Champlain va être animé comme à chaque année. Vous allez encore une fois avoir la patinoire où vous pouvez aller patiner de façon libre toute la journée jusqu'à minuit. Ça, c'est vraiment très le fun. Il va y avoir bien évidemment des lumières aussi dans le parc Champlain. Il y a des lumières de Noël qui sont là à chaque année. Bon. On les a gardées, on les a conservées, donc ça va être... Tu sais, il y a une belle petite ambiance. Ben romantique, oui. Aussi, si vous voulez aller à une date. Oh, parce que, c'est après la Saint-Valentin, mais tu sais, vous comprenez le principe. Parlant de nuit, taxi, oui. J'imagine. Ça s'appelle les nuits polaires, mais c'est pas la nuit. Ben, c'est le soir. C'est ça. Exactement. Soir polaire. Ben, ça sonnait pas mal moins bien. La nuit, c'est après minuit. On s'entend? Hein? Rabat-joie, moi. Oui, vraiment. Donc, le 25 février, on y va dans l'optique beaucoup plus jeune. C'est un petit peu l'optique, la formule qu'on avait pour les samedis dans le temps. Donc, encore une fois, sur la scène de la rue des Forges, on commence ça avec Moose's Heart dès 19h. Qui est Moose's Heart? Ben, il y a beaucoup de gens qui pourraient peut-être le connaître sous un autre nom. Avant, on se faisait connaître sous le nom de Pat Cassette, le rappeur quand même québécois, mais qui joue beaucoup plus du côté anglophone que québécois. québécois. Il avait créé il y a quelques années une vidéo pour d'ailleurs le boxeur trifluvien Mike Zuski. C'est l'optique que vous allez pouvoir avoir de la soirée, parce que par la suite on va avoir un autre artiste qu'on a vu ici quelques fois à Trois-Rivières. D'ailleurs ici au 10-12 il y a pas très très longtemps, on parle de Corias qui va être en spectacle sur la scène de la rue des Forges dès 20h. Donc déjà ça nous donne une bonne idée de quel style de soirée que ça va être. C'est hip-hop. C'est pas jeune, c'est hip-hop, on va se dire. C'est ça, on va jouer dans le hip-hop, on va jouer dans quasiment le populaire, j'ai le goût de dire. On va essayer d'aller chercher, bien évidemment, la clientèle qui est jeune. Mais par la suite, à 21h30, on se dit, ah, set de DJ, qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, on y va dans une sorte de DJ qui est différent, parce qu'il y a un des artistes qui va se joindre à King Abid, qui est un DJ, qui est un artiste quand même assez connu. On parle de la formation Coca. Et qu'est-ce que Coca? Eh bien, c'est Karim Ouellet et King Abid. Dernièrement, la semaine dernière, si vous étiez à l'université, si vous étiez au carnaval, vous avez probablement, espérons, croisons les doigts, été voir Karim Ouellet en spectacle. Eh bien, King Abid était là. Ceux qui ne le savaient pas, c'était le gars qui était à la droite du... Le dude. Exactement. En fait, c'était le DJ qui était là tout le long du spectacle et qui rappait à certains moments. Donc, c'est un petit peu la même optique que vous allez pouvoir retrouver dès 21h30, le 25 février. Ça va être un set de DJ. On va refaire des classiques de Karim Ouellet, mais aussi d'autres pièces que l'on connaît très bien. Donc, c'est dans une autre optique, différente d'un DJ Prince Lambert qui va être un petit peu plus dans le style club de soir, tandis que Karim Ouellet, on va y aller dans un DJ qui est complètement un autre style. Par la suite, le 4 mars, qui est le dernier samedi pour les nuits polaires. Comme on disait tout à l'heure, en temps normal, la formule du dimanche, c'était la formule famille, c'était la formule qu'on aimait. Et l'hiver, l'été, tu sais, on a les feux d'artifice du Grand Prix Trois-Rivières. L'hiver, on avait les feux d'artifice des nuits polaires qui se produisaient le dimanche. C'est la même chose qu'on va faire cette année. Donc, ça va se passer le 4 mars. Ça va être aux alentours de 19h30. Donc, on va commencer la soirée avec les feux d'artifice qui vont venir en quelque sorte clore tous les événements des trois fins de semaine. Et par la suite, vers 20h, sur la même scène, c'est-à-dire la scène de la rue des Forges, on va avoir Domino qui est un band qui vont refaire des classiques populaires, des pièces, des chansons que tout le monde aime, que tout le monde connaît. Donc, ça va être justement, comme on le disait, un petit peu plus familial de ce côté-là. Et par la suite, vers 21h30, bien, on revient avec un DJ qui est DJ Max, et on va pouvoir continuer à bouger dans la rue, à participer aux activités de la nuit polaire, parce que bien souvent, ça va se terminer jusqu'à minuit pour les nuits polaires. Alors, on va avoir trois belles fins de semaine qui vont jouer vraiment dans des cordes différentes, et c'est un petit peu ce qu'on veut, parce que les nuits polaires, que ce soit sur trois jours ou que ce soit sur trois fins de semaine différentes, on essayait vraiment d'aller chercher les goûts de chacun pour qu'on puisse, bien évidemment, à amener le plus grand nombre de personnes, mais aussi pour que les gens puissent avoir une belle expérience de cet événement-là. C'est gratuit, comme je le disais tout à l'heure. Alors, on veut donner aux gens ce qu'ils veulent recevoir. Et je pense que cette année, avec la formule des trois fins de semaine qui vont être différentes, les trois samedis différents, bien, on va vraiment y aller dans ce que les gens vont pouvoir aimer. Ils vont pouvoir cibler le genre d'activité qu'ils veulent. S'ils sont pas trop, trop style hip-hop, bien, c'est pas très, très compliqué. On ira tout simplement probablement pas voir le spectacle. Comme ça, les gens vont avoir quand même une belle opportunité de voir ce que la ville de Trois-Rivières ont à leur offrir. Ouais, puis c'est le fun parce que ça va durer sur trois semaines. Finalement, les gens vont pouvoir en parler beaucoup plus longtemps que juste une fin de semaine, puis c'est fini. T'sais. Exactement, tout à fait. Alors, Mathieu, je sais pas quelle pièce tu as décidé de présenter. Ah, il fallait que je choisisse la pièce de Karim Ouellet. Ah, je savais pas. OK, attends un peu. J'ai bien aimé. L'autre fois, on avait essayé des nouvelles pièces, donc on pourrait faire la même chose, des pièces qu'on n'a pas encore entendues. Ben de Karim oui. Ouellet, mettons. Est-ce qu'on a entendu Rien ne sert de courir? Non. Non. Est-ce qu'on l'essaie? On peut très bien. Karim Ouellet, rien ne sert de courir à Assemblage Requis dans la chronique de Tania is gonna entertain. Merci, Tania. Merci. Let's suppose that you're writing really important email to a colleague. D'habitude, il n'y a jamais de pub quand j'arrive à ce moment-là. Mais non, c'est mais il y en a tout le temps, c'est YouTube. Ouais, mais non, je tombe tout le temps, je suis très chanceux sur ça. Mais bon, c'est pas. Pas ce coup-ci. Les yeux remplis. ta porte. Fais-moi croire quelque chose. Il est pas trop tard. J'ai tout le temps mon bord. Ferme la fenêtre, y'a trop de courant. Rien ne sert de courir, Karim Ouellet, que vous avez pu voir, comme on le disait tout à l'heure, au 10-12 de l'université, mais que vous allez pouvoir voir le 25 février prochain aux Nuits polaires. Soirée polaire. Nuit polaire. Soirée polaire. Mathieu. Je vais en changer tout ça, moi. On change de nom. Soirée polaire, ça finit à minuit, Colin. Oui, c'est ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une autre chronique de Tania is gonna enter Tania tous les matins à l'Assemblage Rocky. Je tiens à vous rappeler, habillez-vous chaudement quand même. Oui. On s'entend, c'est l'hiver. Mais c'est vraiment un bel événement où vous allez pouvoir avoir vraiment beaucoup de fun. Oui. Je m'étais acheté des bottes toutes. Faut que j'y renvoie, ils me font pas. Mais tu vas les recevoir à temps. Hey, va chez Walmart. Hey, yeah. Okay. Hey, yeah. Bon. On va te poser au retour. On va parler d'improvisation avec Xavier McLeish et plus tard avec Alfalfa le Lutin. On parlera de jeux de société et d'alcool un petit peu. À Assemblage Requis, à dans deux minutes. Restez là. Dans la zone 89. C'est fou. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage de De retour à Assemblage Requis en ce mercredi 1er février 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, Xavier Méclis, je vais être là pour faire de la lutte un petit peu. Salut Xavier. Salut, ça va bien? Ça va toi? Oui, hey, ouais. Je m'entends pas. Ah, c'est pas grave. Allez, arrange-toi ça. Pendant qu'on parle un petit peu de... je dois me corriger. Apparemment, c'est toi qui m'as corrigé tantôt. Karim Ouellet, la pièce apparemment qui est déjà connue. Ben oui. Ouais, mais tu m'as pas corrigé, Tania. Mais je suis désolée, tu m'as pas demandé si elle était connue. Tu m'as juste dit, on met celle-là, je dis OK. C'est ça, j'ai dit, on essaie une nouvelle pour nous autres. On essaie, oui, c'est ça. Pour c'est ça. Vous, c'est nouveau. Elle a quand même battu quelques palmarès québécois. Pour Mathieu, elle est nouvelle. Ouais, c'est parce que je suis très Mathieu, il vit entre son GameCube et sa TV. Non. Puis quand il est pas là, il est à Assemblage Requis ou à la Huître. Ouais, la Huître. Mais il était même pas là cette semaine, il va falloir en parler. Ouais, on a parlé un petit peu tantôt. Non, c'est ça, je suis très isolé dans les palmarès C'est fou, c'est ça mon problème. Ah, j'écoute c'est juste la musique de C'est fou. C'est fait ça. Si ça jouait ailleurs, je sais pas. Mais c'est pas grave, c'est bon comme tune. C'est ça, exact. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. C'est Xavier le problème. Oups. Mon chialeux. C'est Sébastien Evgartin qui l'inspire. C'est ça. T'es en train de chialer. Maman. Avant de continuer avec Xavier et la chronique de la Huître, on va s'entendre les nouvelles du campus universitaire. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Mettons, je sais pas, on va voir. Voici maintenant l'info campus, présentée par le journal Zone Campus. Tu étudies à l'UQTR et tu aimes utiliser une caméra? Le réseau de l'Université du Québec organise un concours vidéo. Des prix totalisant 13 000 $ sont à gagner. Pour plus de détails, cherchez UQuébec concours vidéo sur Google. La date limite pour participer est le 19 mars. L'Association nationale des éditeurs de livres, en partenariat avec le Salon du livre de Trois-Rivières, organise le concours Livre-toi. Ce concours invite les jeunes de 12 à 21 ans à tourner une capsule vidéo sur un livre. Les participants peuvent gagner de nombreux prix comme un voyage en Europe ou des bons d'achat pour les livres. Pour plus de détails, il faut visiter la page livre-toi.ca et la date limite d'inscription est le 10 février. Vous souhaitez offrir le discours le plus éloquent du monde? La Clinique du Pitch est pour vous. L'activité est animée par le gagnant du Startup Weekend Trois-Rivières 2016, Félix-Antoine Huard, et organisée par le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UQTR, ainsi que Ramen Code. C'est gratuit et la pizza est fournie. Pour inscription et détails, uqtr.ca/CEI et cliquez sur la section Activités. Vous avez toujours rêvé d'animer une émission à la radio? La station Cifou 89.1 FM est à la recherche d'animateurs bénévoles. Peu importe votre expérience ou vos sujets d'intérêt, n'hésitez pas à soumettre votre projet à progcifou@uqtr.ca. Aussi, une formation est offerte aux recrues. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Perron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin, ici présente. Oui, bonjour, bon matin. Allô, c'est le fun de se dire allô 3-4 fois par émission. Je sais, même. Hein, allô! Faudrait que j'arrête de faire ça. C'est drôle, moi ça me fait rire. C'est comme si elle était jamais là. C'est ça, elle c'est apparaît. C'est ça, exactement. Elle se cache au-dessus de la table, puis Non, mais elle avait juste passé dans le couloir, elle fait « Salut! » À chaque intervention, elle revient, genre, elle est partie faire d'autres choses. Elle l'entend. C'est le fun d'animer avec quelqu'un de même qui est tout le temps parti. Alors, tout le temps là. On pourrait l'appeler Jean-Philippe Charbonneau quand il animait. Oh! Callback pour ceux qui étaient là à l'époque méchant. Où Jean-Philippe animait. C'est une blague. Xavier Méclis a mentionné un mot ou deux depuis tantôt. Il sort directement de la douche. Oui, fallait pas le dire, mais oui, je sors non, de mais la douche. Tes cheveux sont beaux pour un gars qui sort de la douche, on va se le dire, hein, je suis jaloux. Là. Ben là, on va se le dire, j'ai les cheveux qui viennent avec le bagage génétique que j'ai. Ben là. C'est ça, on va se le dire, il y a des beaux cheveux, c'est le même, c'est Xavier Méclis. Il est reconnu pour ses cheveux et pour ses chemises hétéroclites, avec aujourd'hui des kiwis. Ben oui, mais ceux qui me connaissent bien savent que kiwi est plus qu'un fruit pour moi, il est une partie de ma vie. Donc même sur Facebook... Est-ce que c'est parce que t'es genre poilu, mais juste un petit velours, genre? Non, c'est que à l'époque où je travaillais pour Tennis Canada, il y a une fille à la TV devant des millions de personnes, okay. Dont mes amis de secondaire, qui a dit « Ah! Tes cheveux, c'est comme un kiwi! Oh. » Et depuis maintenant 12 ans que le monde m'appelle kiwi dans le coin de Québec. Donc, oh, wow! C'est pour beau. Ça? Oui. Bon, ben justement, le kiwi lui-même. Non, et voilà! La fille qui t'a dit ça? Oui. Bon, ben, merci, Catherine Langlois. Si t'écoutes pas, impossible. Est-ce que c'est la Catherine Langlois qui était chroniqueuse ici? Non. Non, une autre Catherine Langlois. Probablement à Barcelone en ce moment. On parle de là. Oui. Bref, hey, c'est la chronique de l'improvisation. Voici dans les coulisses de la Huître. Ouais! Ouais! les coulisses de la vitre avec Kiwi, Xavier McLeish. Oui. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Hey, ça va tellement bien. On a su un bon match lundi soir. Écoute, le retour 2017 des Verts et des Bleus. J'avais parti des Bleus. Et oui. C'était un match, je dirais, un match incroyable que tu as manqué. J'ai manqué la moitié du match. Mais pour quelle raison? Ça me trouble toujours. C'est un peu spécial comme raison. En fait, j'en ai parlé un petit peu au début de l'émission de mon achat d'ordinateur qui a pas marché puis que j'ai pu me faire rembourser par Kijiji. En fait, par le gars. C'est apparemment que tu peux dealer ça avec le gars. Genre, peux-tu me rembourser? Puis ça marche. Fait, bref, lundi, je suis allé chercher l'ordinateur. Puis l'auto à mon père a complètement fait capote. Il a fallu qu'il fasse appeler quelqu'un pour venir le chercher. Fait que là, j'étais rendu au bureau, en gros, à 7h30. Le match était 8h. Là, j'ai vu que mon père, ça marchait pas son char. Je me suis envenu à pied. Il faisait ben trop frais. J'ai arrêté à un moment donné. Mon père m'a appelé, je m'en viens de chercher. Ça a pris une heure. Fait que je suis arrivé à 9h à la Luit. C'était incroyable. Toute une péripétie. On devrait voir ça bientôt à Aventure Extrême avec Francis c'est Bouillon. Exactement. Avec mes petites bottes d'eau. Ou sinon, dans ma tête, genre l'émission de les humoristes à télé qui racontent leur sketch. Là. Ça ferait l'émission la moins bien cotée de l'année pour la saison. Bref, qu'est-ce que j'ai manqué pour commencer avec le début manqué du match? Esprit de synthèse, c'était une improvisation où on devait synthétiser, où on devait amener ce thème-là à plus que ça. Et de mémoire, elle m'a pas marqué. Hein? Bon. Donc, ben non, c'est pas vrai. Non, mais ça arrive, là. C'est pas tous les impros qui sont marquants non plus. Donc, esprit de synthèse, non, c'était moi et Francis du Grélampron. Dans le fond, c'était un professeur rapidement qui montrait des tableaux avec des diaporamas avec des grandes formules mathématiques que Francis réglait en 3 secondes. Ah ouais, il est fort. Donc il faisait 3! Mettons, la réponse était là, on donnait la réponse plus logique. Donc, l'impôt que j'ai remporté, désolé Francis. Bon. J'ai, ça c'est quand tu parles des bleus. Est-ce que tu as même joué sur ce sketch-là? Non, c'était moi et Francis, c'était 1-1. Ah. Donc c'était seulement 1-1. Donc, les bleus ont remporté cette improvisation. On poursuit avec Tied, qui a une improvisation du côté des verts où. Mon Dieu, les Verts ont remporté ça, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait. T'hésites pas, hein? Tu prévois ton prochain gag des Bleus, hein? C'est non, ça? On c'est a joué avant eux, en fait. On avait une improvisation, nous, de couple qui fêtaient leurs 6 mois. Finalement, ils mangeaient des huîtres tièdes et ils devenaient des monstres. Et du côté des Verts, mais j'ai un des blancs de mémoire sur cette improvisation-là. Ben correct, c'est on passe à la prochaine? Ah ouais, vas-y. Donc, il y a eu Volcan Infernal, qui a eu un manque d'écoute du côté des Bleus et des Verts parce que c'était... Une personne qui se transformait avec des dieux, une improvisation assez confuse, il y a un manque d'écoute, il y a des interpellations qui n'ont pas été faites. Je pense que c'est l'improvisation du match qui a le moins bien été des deux côtés. Ah bon. Et c'était une improvisation mixte qui a bien débuté, mais après plusieurs interpellations, là, on a perdu un peu de. C'est pas trop grave, même si, tu sais, en impro, c'est ça qui est le fun, c'est que si t'aimes pas le sketch, dans 3 minutes, il va en avoir un autre. Et voilà, donc ça a poursuivi avec. Cuisante défaite qui était l'impro absurde du match entre Marc Lachance et Alexandre Laramé Zwicky. Oui, Zwicky. Voilà. Zwicky. Zwicky, on va le dire demain. Qui était un combat de pouce. Donc, chaque joueur enchérissait avec des gags qui n'ont pas de bon sens. Donc, sortir des katanas pour se huiler le pouce, sortir des fusils pour se renforcer les mains. Donc, jusqu'à ce qu'il fasse un combat de pouce à la dernière seconde sur The Final Countdown. Oh, cool. Alors, on a poursuivi avec, mon Dieu, Dessoudre. Je vois pas là, ce que tu as écrit. C'est pas moi, c'est Frédéric Simon. Frédéric Simon, mais qu'est-ce que c'est ça? Bah. Donc, next. On y va à la prochaine. Héros. Héros. Qui était une improvisation de, en mix qui ont commencé à 2-2. Et non, 1-1, c'est rare les mix qui commencent comme ça, dû à un conventum d'équipe. Et on devait sauver une personne prise sur un toit, mais il y avait 4 héros qui n'avaient pas de bon sens, dont un hémophile. quelqu'un qui était juste... capable. Il est juste capable. Juste capable. On avait un gars qui courait super vite de reculons. et je me rappelle plus de l'autre personnage qui a débuté l'improvisation. Ça, j'aime ça. Ensuite, on a eu moi et Marc Lachance qui est allé faire des super-héros siamois des fesses tight. Donc, on était un par-dessus l'autre, ce qui permettait d'aller chercher la personne sur le toit et de la sortir de là parce qu'on était assez grand pour le faire. Et finalement, il y avait le monstre toit. Le monstruature qui s'est déplacé avec la victime. Donc, c'est l'improvisation de super-héros nul à chier. on va dire ça comme ça. Donc, c'était la. Déjà, je pense. Non, il en restait une avant la mi-temps. Hein, on va dire ça comme ça. C'était entrant et sortant, qui était une improvisation. Comment dire. Comme ci, comme ça. Donc, les Verts ont fait une improvisation où il y avait. un obèse, littéralement. Okay, ouais, un obèse, donc, bien Francis était entré dans Marc Lachance. Wow! Donc, qui n'est pas une personne obèse en passant, Francis Marc Lachance. Francis faisait la bédaine à Marc Lachance, mais il était deux personnes qui voulaient entrer dans un hôtel, mais comme s'il était une seule personne. OK. Donc, voilà. Et c'est allé nulle part, cette improvisation-là. Ils sont restés dans le hall d'entrée tout le long. Avec ces deux-là, on s'attend à oui. l'absurde. Et ils se sont mérités un retard de jeu de la part de Mme Katiev, côté l'arbitre. Sévère quand même, les fois, Katiev. Oui. Et du côté de entrant et sortant, hey, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Je crois que c'est l'impro. Oui, c'est l'impro où c'était 4-3-2-1, tu devais faire des parties. Non, c'est pas celle-là. Il y a une impro. Par exemple, c'est l'impro où j'ai fait accoucher Alexandrine Pichet-Cyr. J'étais un gamer compulsif. OK. Et on faisait accoucher une femme enceinte, mais le gars, il se foutait de ses enfants. Ouais, ben oui. Littéralement, gamer, parce qu'il montrait même à ses amis par la webcam ses relations sexuelles. Non, mais. Donc, oui, c'était un match très, très sexuel, hein. J'aimerais le préciser. c'était un match qui était dans un bar. C'était. Oui. Elle a accouché dans un bar? Non, dans un bar. Dans un bar. Donc, le public enfant n'était pas le bienvenu cette semaine, du moins. Non. Et il y a des jokes de pets là, à profusion. Là, et oui, même Francis est mérité une accessoire illégale pour son odeur de pets. C'est vrai, on y va avec la deuxième partie du match. J'étais là à partir de là. Et la première, ça commence avec l'odeur de pets. Une pénalité, même avant qu'une épreuve soit commencée, j'avais jamais vu ça. Donc, Francis Grelopon qui a pété durant l'entraque sur scène, ce qui s'est mérité un accessoire illégal puisque ça l'a nuit à l'improvisation qui allait suivre. Ah, oh, mon Dieu, mais voyons donc. C'est déconcentrant. Oui, c'est déconcentrant. Donc, une pénalité pour un pet, donc, Francis, qui était à sa première pénalité personnelle et non à sa deuxième, donc qui a pu rester dans le match, puisque le retard de jeu était décerné au vert. À l'équipe au complet. Et non à lui. Et par la suite, c'était une vidéo way, donc on avait des caméras de surveillance de plusieurs lieux. Habituellement, une vidéo way, c'est plusieurs chaînes, donc bon, une chaîne de rénovation, une chaîne de cuisine, etc., etc. Là, à la place de ça, c'était des caméras de surveillance. Oui, on avait les couloirs de TVA, on avait une maison de riches. Une pharmacie. Une pharmacie et un autre. Hein? Voilà. Et on a assisté à plusieurs bons gags de vidéo way. Et moi, je trouve, en tant qu'improvisateur et en tant que public d'improvisation, c'est les impros les plus durs à voter parce que... Ouais. Tout le monde apporte quelque chose de bon. Tout le monde joue. Ben, en fait, non, parce que tu sais pas ce qui se passe en bas de bande. Je t'explique. Ouais, je comprends pas ça. Exemple, le monde sont en bas de bande. Ils disent caméra 3. Donc, la caméra 3 se lève. En bas de bande, ça veut dire accroupi à côté de la bande. Non, mais qu'est-ce qui s'est dit entre les deux joueurs? Est-ce que c'est, exemple, moi qui t'ai dit « Hey, fais une joke de pète. » Ouais. Puis là, on se lève, puis là, tu fais une joke de bête, donc le public crie pour toi, mais c'est mon idée. Ouais, mais c'est ça le but de l'impro, en même temps. Non, mais c'est ça. Donc, pour avoir eu l'idée du concept de base de n'importe quelle impro et pour recevoir le crédit, faut pas que tu sois aussi centré sur toi-même. C'est pas ça, non, mais dans le sens où je trouve ça. Je pourrais pas faire d'impro, finalement. Ouais, c'est ça. Dans le sens où je trouve ça difficile à voter parce que tu sais pas si c'est préétabli. Ou si c'est quelqu'un qui fait juste puncher en face de l'autre, ouais, alors que c'est pas ce qui est établi. Ouais. Donc, au niveau de la construction, je trouve que c'est les impros les plus durs à voter. Ouais. Mais les vidéos oui, sont tout le temps deux joueurs de différentes équipes ensemble. C'est ça qui est difficile, ouais, j'avoue. Oui, donc c'est ça. Donc, mais c'est une ligne, une punch. Ça fait rire bien du monde. C'est un impro qui est très, très, très légère à regarder. Ouais. Souvent des gags sexuels ou faciles. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Donc, on poursuit avec Bousculer l'agenda, qui était une mix me concernant encore. Mon Dieu, j'ai donc bien joué dans ce match, c'est effrayant. Puis je vois l'autre après, puis je sais que... Voilà. Donc, Bousculer l'agenda, qui était les deux, Napoléon et... je m'oublie le nom du commandant anglais. Louis XIV, quoi, non? Il n'y avait pas ça qui parlait. Non, c'était pas Louis XIV, c'était... En tout cas, qui demandait de déplacer pour favoriser ses troupes. Donc, il disait, on va vous conquérir peu importe ce qui arrive. Nous, nos troupes seraient plus aptes à vous tuer cette journée-là. Est-ce que vous seriez d'accord? Donc, c'est genre, faites semblant de mourir. Ouais, faites semblant de mourir. Donc, comme ça, on va voir le pays, puis vous allez avoir plus de peuple pour pas vous faire assimiler. Donc, ça, c'était l'improvisation. On poursuit avec ma préférée du match, avec mon cabotinage. Bon. C'était à plusieurs, le thème. Et donc, c'était d'un côté, on avait un bar qui dansait tout collé. Il y était plusieurs à prendre des shots ensemble. Avec la grosse musique du DJ ben forte, le parc ben fort, pour faire bar Trample Trois-Rivières. Le Trample Trois-Rivières. Endroit pour les esprits frustrés. Non, mais c'est Trample-toi là quelque part. Mais Les gags de crime, hein? Et voilà. Ouais. Donc, de l'autre côté des Bleus, nous, on a fait une situation où il y avait trois personnes qui ne savaient plus quoi faire. Donc, il y avait un massothérapeute qui proposait de masser tout le monde en même temps. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'il voulait pas l'autre, il voulait pas se faire masser par son propre frère. Ouais, et voilà, donc il y avait une situation d'un côté très très sexuel, de l'autre côté très très ironique de deux frères qui se massaient. Ouais. Donc voilà, j'ai pris un cabotinage parce que j'ai fait des niaiseries. Non. Voilà. Ensuite, on a eu l'impro littéraire qui était un conte et légende québécois. Folklorique basé sur Charlevoix, qui est une région que j'appréhende beaucoup, que j'aime que beaucoup. Tu appréhendes, ça veut dire que t'as peur. Ben oui, mais c'est tellement plein d'histoires, c'est tellement plein de fait que là, tu veux pas, tu sais, comme aller dans mettre tes pieds dans les plats puis inventer des personnages. Puis fait que là, genre, mais j'apprécie Charlevoix. Je travaille là depuis maintenant je travaille là depuis 6 ans, mais je suis présent à Charlevoix tous les étés depuis 13 ans. C'est la moitié de ta vie, ça. C'est plus que la moitié de ma vie. Ouais. C'est en fait, c'est plus un an de mon âge actuel. Je suis déconçu dans Charlevoix. Mais donc c'est ça, l'impro littéraire. T'étais vraiment hyper actif même dans le ventre de ta mère. Et voilà. Elle se plaignait de mots de ventre tout le temps parce que tu punchais tout le temps. Donc c'était des contes et légendes de chaque côté. On a eu deux bons contes québécois. Un plus charlevoisien, vu que je me connaissais. De l'autre côté, plus québécois-québéco. Ouais, ouais, ouais. Généralement québécois. Le langage terroir. C'était deux bonnes improvisations. Cette improvisation-là, puis même que je crois qu'on devrait plus faire de contes et légendes québécois. C'est une bonne idée, ouais, j'avoue que le concept est le fun. Sauf quand les rouges jouent. Bon, ça c'est MAF, Marc-André Fortin, compteur professionnel. Il y a un petit peu un avantage préétabli. Mais non, c'est ça, c'est inspiré par un livre. Donc l'extrait et le livre ont plus ou moins rapport avec l'impro. La plupart du temps, c'est juste la thématique qui est en gros, bon, une légende québécoise. Et on se base pas vraiment sur l'extrait. C'est plus un prétexte pour donner envie aux gens de lire et faire tirer le livre après ça dans la foule. Ensuite, on dirait qu'il y a une impro dramatique, mais avec un thème drôle. Ah, oh, ça, okay. Donc, c'est une improvisation qui était à s'abstenir pour les cœurs sensibles. C'est une improvisation où un homme battait sa femme. Ah! Parce qu'il découvrait qu'elle le trompait dû à cause que il y avait une maladie sexuelle qui faisait qu'il avait envie de pipi. Donc, on disait, quand t'as un pipi, change ta vie. OK. Donc, la prémisse était drôle à la base, mais une fois qu'il y a eu les scènes de la femme qui se faisait battre, tout ça, le public continuait de rire. Je comprenais pas parce que c'était super dramatique. Et il y a eu réellement un coup de portée. Alexandrine s'est vraiment fait gifler par Francis, ouais. Et excuse a été portée, là. Inquiétez pas, là. Ouais. C'est pas. C'était pour le jeu. Pour le jeu. Mais le public a ri tout le long. Mais c'était vraiment une impro qui était dure à avoir. Puis c'est des situations qui doivent arriver, là. Vraiment, Et de voir Francis Grélampron, j'y lève mon chapeau aussi senti. Très bon acteur, pour très vrai. Très bon acteur, pour vrai, j'y ai cru. Il a pris le gros morceau de cette improvisation-là, il a pris le lead de cette improvisation-là. Il a fait le point, j'espère? Et il a fait le point. Bon, d'accord. Il a fait le point. Mais un point de pénalité à la foule qui devait rire jaune ou encore Francis qui est drôle en général, fait que t'sais. Non, mais dans une sens où je devais être complètement mal à l'aise. Ouais, sûrement. Tu sais, un rire de malaise, mais c'était pas le moment de rire. Non. C'est une émotion dramatique, oui, avec un thème qui peut être plus ou moins drôle, mais j'ai aimé dans cette improvisation la rapidité de venir au point. Oui, tout à fait. Parce qu'on a viré l'émotion rapidement. Là. Oui, il y a plusieurs improvisations où, dans une dramatique, ils vont rester dans le senti. Ouais. Et ils vont rester dans la même improvisation senti de 3, 4, 5, 10 minutes. Des fois, c'est un peu long. À rien faire. Là, en 3 minutes, on était rendu dans une improvisation qui était passée de hyper. Une situation de base, hey, ça te chauffe quand je fais pipi. Ouais. Ah, ben garde. Non, mais c'est ça. Arrête de rire, Tania. C'est ça qui arrive. Ouais, c'est vrai. Ça le public. Il y a un gars, il y avait la Mais non, syphilis. Mais là, à cette. À le cette phrase-là, tu ne peux pas rire. Là. Le gars n'a pas 7 ans, là, il a genre 30 ans, il disait hey, ça joue quand j'ai eu pipi, il rencontre le médecin, il a syphilis. Là, on dit ouais, mais ça fait 20 ans qu'on était ensemble, ouais, j'étais trompé avec ton meilleur ami, puis bang, violence conjugale. En 3 minutes, on venait de passer les 4 zones d'émotion hyper intenses et hyper senties. Ça a mis, je pense, un petit genre potentiel étoile de l'année pour Francis Grélampron, cette impro-là. J'ai l'impression que ça lui a vraiment servi. Écoute, si on verra. Mais le public a ri. Donc, je suis toujours mal à l'aise avec le public, ce moment-là. Mais oui, Francis pourrait se mériter un prix là, pour joueur. Un prix quelconque, c'est ça. Un prix quelconque. Ouais. Il s'est mérité recrue de l'année passée. Coup de cœur du public, non, c'est pas lui qui a ramassé le coup de cœur du public. Je me souviens pas, j'ai aucune mémoire sur ce truc-là. Mais de mémoire, non. On avait Chat-Souris. Donc, qui est une improvisation d'animal. Donc, qui dit animal dit. Alexandre Mizwicki. Donc, en fait, lui et Salam, des souris qui regardaient un chat se faire tondre. Et dû à un rat fait par Francis Grélampron qui. Le rat qui tapait avec sa grosse queue. Ah, mon Dieu. Sur l'improvisoire, c'est parfait. Qui tapait sa grosse queue pour déconcentrer le chat, pour qu'il puisse aller chercher du fromage puisqu'ils avaient faim. Donc, une improvisation hyper bonne et bien faite. Oui. Parce que c'est, on voyait l'animal, c'est rare qu'on voit bien les animaux comme ça, qu'on a la crédibilité animale. Je pense que c'est le match, ces deux zèbres-là, ces deux zèbres qui avaient le plus de crédibilité. C'est vrai. Une à la suite de l'autre par rapport au match qui était très, très, comme on a dit tantôt, très, très axé sur des gags faciles. Exact. C'était très théâtral, ces deux zèbres-là. J'ai bien aimé. Donc, après ça, on avait l'ambiance musicale qui a été une claque d'en face des verts. C'est plate pour eux. Mais c'est ce qui leur a coûté le match, les deux pénalités de décrochage et de non-respect du thème dans cette improvisation-là qui était, je me rappelle plus du thème, c'est ce que, parce que ça avait terminé serré, on va le dire tantôt. Ouais. Ça s'est joué par un point, une impro ou un point, vous allez voir, j'explique pourquoi. Et une ambiance musicale où qui était contrôlée par un joueur de l'équipe. Donc un joueur de l'équipe contrôlait l'intensité de musique. Et un joueur était au micro et deux joueurs. C'était ça la twist, j'avais pas compris pourquoi la musique descendait, remontait tout le temps. Et oui, donc c'est un joueur de l'équipe qui contrôlait l'intensité musicale, qui contrôlait. De sa propre équipe. De sa propre équipe. Donc les Verts ont fait une improvisation. Mon Dieu, qu'est-ce que. J'aimerais tellement t'aider. Ils ont fait quoi? Ils ont fait une improvisation qui n'était pas sur le thème, puis qui a eu un décrochage de Marc Lachance, mais en fait qui est un décrochage de Francis du Grélamblon. À la base. C'est les Francis qui sont meilleurs pour se cacher que d'autres. Oui, donc c'est Francis qui a fait rire Marc de mémoire. Mais donc c'est ça. Donc ça c'est le décrochage. Et du côté des Bleus, on a fait une improvisation où c'est un gars qui revenait de la guerre. Des fois qu'il y avait des flashbacks, la musique partait. Oh oui. Et finalement il devenait une ballerine parce que les gars riaient de lui à la guerre. Donc il faisait la ballerine. Oh. Donc tout ça bruité et par Alexandre. Voyons, j'avais la misère avec son nom matin. Alexandre Laramie Zwicky. Excuse-moi monsieur Zwicky. Appelle-le juste Zwicky. Zwicky, excuse-moi papa. Ah, j'avoue qu'ils ont une petite air de famille. Oui, ben, c'est mais moi, j'ai toujours dit que les Bleus, c'était ma famille. Ah. Donc, j'ai deux pères et une mère. La famille. On est des gros mafieux. Et outre mesure, qui était la dernière improvisation du match, qui a été remportée par les Verts. Pointage final, finalement, tu l'as dit, c'était serré. C'est 9 à 7. Donc, si on comprend que, mettons, les Verts ont gagné une impro de plus, je t'arrête de perdre. Voyons ce que je t'arrête de perdre. Quand même. J'ai besoin d'assistance par Tania. Tania qui est venue me replacer mes écouteurs. Hein? Vous avez eu peur, hein? Yeah. Mais. Écoute, j'ai une ceinture avec des fois. Mais. Mais de quel bord tu penches d'habitude? C'est pas important. Pas important. Okay. Mais non. Tu parles-tu des écouteurs, là? Ouais, c'est ça, okay. Les écouteurs penchent plus vers la gauche, vers la droite. Est-ce qu'il faut que tu attasses des fois pour. T'as peur d'écouteurs? Non, mais je perds bien des choses, des fois. Ben, sur ça, ça a fini 9 à 7. À cause des pénalités, hein? Non, oui, mais 9 à... donc sans les pénalités, c'est 8-7. Okay. Donc, une improvisation qui, juste à 9-7, avec les pénalités, les Verts gagnent une impro de plus, ça fait 8-8. Ouais. Il y aurait eu une fusillade à la fin. Il y aurait une fusillade. Ça a déjà fini. Ouais, parlons pas de fusillade. Excuse-moi. C'est un petit peu tabou. On dit qu'il y aurait une prolongation. Oui. Hein? Pas de joueur marocain, pas de joueur, non? Non, c'est correct. Ben, je sais pas, c'est Wiki. Hey, Égyptien. Égyptien. Ouais. Et voilà. En tout cas, bon match. Et les étoiles de ce match. L'étoile des Bleus est allée à Alexandrine Pichessir, elle qui s'est fait une improvisation dramatique, qui a fait plusieurs improvisations, qui a accouché dans ce match-là, qui a fait des préliminaires dans ce match-là aussi. Et très, très, elle se donne sexy, genre, sur la scène. Oui, elle veut plaire. Mais elle a donné un bon, spectacle cette semaine, Alexandrine. Puis c'est ça qui a donné. Elle a fait vraiment ce qu'elle avait besoin de faire. Pour faire avancer les impros, pour faire ses personnages, elle a été toujours à la bonne place, au bon moment. Fille de théâtre, il faut ça dans l'équipe. Mais oui, nécessaire. Elle chante. Je sais pas si vous avez déjà entendu chanter cette demoiselle, fille de comédie musicale. À chaque chance qu'elle a, elle chante. Hein, même si c'est pas chanté, l'impro. Oui, des fois. S'il y a un silence, elle va chanter. Laissez-y pas deux secondes qu'elle se prenne un respire parce qu'elle va te lancer une tourne de deux minutes. Mais l'étoile des Verts de la marque la chance, alors qu'il a fait plusieurs improvisations comiques qui est joué de. Donc, une impro, c'est rare parce que d'habitude, les t-shirts des improvisateurs sont souvent utilisés pour se faire des seins, se faire une bédaine. Lui, il est utilisé pour se faire des grosses fesses, puis le gras tombait dans ses cuisses à un moment donné, c'était drôle. Oui, mais c'est l'impro où on se rappelait plus, ça. C'était très drôle, mais c'est ça, des fois, on se rappelait plus dans quel sketch c'était, là, mais ça m'est revenu. Les grosses fesses qui descendent dans ses cuisses avec ses vergetures de toute beauté. Donc, il se replaçait les fesses. Il y avait un médecin qui venait y arranger ça, ou je sais pas trop. Ouais, voilà, donc, je me demande si c'était pas l'ambiance musicale, d'ailleurs. Ça se peut. Voilà. Et l'étoile de l'arbitre? Et l'étoile de l'arbitre, nul autre que l'animal en personne, monsieur Zwicky Alexandre. L'armée Zwicky. Voilà, je l'ai bien dit pour la première fois. Tu l'as bien dit. Bravo. Et voilà. Donc, ce qui place le classement, qui change le classement de tête, de tout le monde change de place, sauf Les rouges qui sont toujours premiers à 9 points. Oh. Les bleus sont deuxièmes à 8 points. Et égalité en troisième position entre les oranges et les verts à 7 points. Et 2 points entre la première et la dernière position. On aura-tu déjà vu ça à la 8? Je me demande encore. Ben, les oranges n'ont pas grand chance de se rattraper. Hein. Je sais pas si tu as vu, il reste seulement 2 matchs à jouer. Tout le monde reste 2 matchs. Tout le monde reste 2 matchs. T'as bien raison. Je viens de regarder ça aussi. 2 fois rouge, 2 fois bleu. Ben oui. Et 2 fois vert. T'as bien raison. Parce que dans le fond, le concept est fait pour que ce soit un calendrier cyclique. Donc tout le monde avance au même nombre de matchs. Donc normalement, cette semaine, si je me rappelle bien, c'est vert-orange. C'est bien ça? On va être quelle date? Le 6 février, vert-orange, oui. Donc vert-orange, et par la suite, ça va être bleu-rouge. Oui. Et par la suite, le cycle va recommencer. Rouge-vert et orange-bleu après. Et voilà, pour terminer la saison. Tout ça pour dire qu'il va y avoir beaucoup de... pas de pause, mais de matchs spéciaux qui sont prévus, mais qui vont pas nécessairement tous avoir lieu, mais sont sur le calendrier en ce moment, si on peut en parler. On a le 6 février prochain, tu l'as dit, vers orange, ça va, ça reste, c'est sûr, ça reste c'est là. Ensuite, le 13, c'est sûr aussi, c'est le match spécial entre la Lutte et la Lime. Oui. Suivi du mardi à la Maison de la Culture, Lime contre Lutte. Et voilà, ça va être 2 matchs back-to-back. L'aller-retour qu'on appelle. Oui, voilà, donc c'est une série aller-retour qui se joue pour le plaisir. Il faut dire aussi qu'il y a un processus logique au niveau de Trois-Rivières, au niveau de la Mauricie. Tu passes de la Luître vers la Lime, normalement. Mm-hmm. C'est rare que tu fasses de la Lime vers la Luître. Sauf Marc-André Fortin, oui. Et Justin Garneau. Oui. Mais c'est parce qu'ils ont des décisions personnelles à prendre, donc ils sont étudiants, donc ils peuvent le faire. Mais normalement, la Lime, c'est des anciens de la Luître ou du monde qui viennent de d'autres régions, comme Catiève Côté, qui est une ancienne du bas Saint-Laurent, qui s'en vient jouer dans la Mauricie pour autre raison, et qui considère que la Lime et la Luître sont deux ligues d'impression, donc elle arbitre à la Luître et joue à la Lime. Ouais. Et les deux sont tellement différentes qu'on peut. Il y en a plusieurs à travers les années qui ont joué dans les deux ligues en mais même en temps. Mais en ce moment même, on a Justin Garneau, Céline de Descôtes. Céline de Descôtes et Vincent Rainville qui font les deux ligues. L'année passée, il y avait Alexandre Ramirez-Wiki justement, Myriam Lorty qui était dans les deux équipes aussi, dans le 2 ans. Bref, tout le monde, c'est un peu du concubinage. Mais là, tu t'en vas vers mon point que j'aime le plus. Il y a un match le 20, hein? Le 20, oui. Et c'est bleu. L'événement Mathieu Plante, mesdames et messieurs! Tu skippes complètement l'iPod Battle pour aller avec l'événement Mathieu Plante, là? Ah, mais là, moi, parce que l'iPod Battle a eu un petit problème technique. Donc, qui s'appelle Xavier McClish, c'est trop occupé. Voilà, il s'appelle J'ai manqué de temps. Mais là, tu fais vraiment, c'est quoi cet événement-là? Là? Donc, c'est vraiment facile, on va inviter tout le monde à se présenter, avoir des petits bols avec des noms, et on va créer un speed dating aussi simple oui, que ça. Oui, ben oui. Puisque c'est notre match Saint-Valentin, et le match Saint-Valentin est censé être un match régulier. Mais c'est le 20 et tout le match de Saint-Valentin. Donc, non, c'est ça, c'est que c'est censé être le 13, mais là, c'est Lime Luître, donc c'est un match déjà spécial. On a joué un événement spécial, ben un match non, spécial. Hein. Donc, on a repoussé la date au 20 pour le speed dating Mathieu Plante. Hey, j'ai un ordi à acheter ce jour-là, je pense. Je vais aller. T'as pas le choix d'être présent. Ah, là, mais non, mais... L'événement porte ton nom. Porte ton nom parce qu'on veut, que t'ailles une blonde, Mathieu. Mais si. La Luître veut s'impliquer dans des relations. C'est parce qu'en plus, je sais qui se présente à la Luître et je sais qui a, entre guillemets, peut-être potentiellement l'œil sur moi. Et voilà, ça va puis créer des malaises. Tu veux pas que son nom se ramasse en speed dating. Non, c'est ça. Je sais, j'ai y allé juste pour rire. Mais non, mais viens mettre ton nom, je sais que. Mets ton nom, oui. Comme ça, on peut aussi, Tania. Déjà, tout le monde pense que Mathieu et moi, on est un couple. Non, ça va donner une raison, on va faire semblant qu'on soit ensemble. Non, mais moi, j'aimerais ça que vous ramassiez en speed dating ensemble par hasard. Tu sais, c'est le hasard qui fait les choses. Ouais. Donc, que vous ramassiez en speed dating ensemble, ça serait. Ça serait mourant. Ça serait mourant. Donc, c'est aussi simple que ça, 3 tables sur la scène. Et vous avez 1 minute, 2 minutes pour 3 minutes, 5 minutes de dépendant de votre intensité. Et on pêche du monde et vous venez sur la scène. Si vous voulez vous réinscrire, vous remettez votre nom dans le bol. Mais pas juste moi. Mais non, pas juste toi. Il me semblait aussi. Non, tout le monde qui veut participer. Donc c'est juste cocasse. On peut De mettre le nom de Mathieu Plante, c'est pour être drôle. Mais c'est sûr, ton nom va être mis. Ben oui, c'est ça. Mais tous les joueurs de la lutte qui veulent faire ça. En couple ou pas en couple, c'est rencontrer les gens avec quelqu'un. Si vous voulez parler avec quelqu'un. Non, mais. Soit échangiste ce soir. Non, mais dans le sens où si tu veux parler avec quelqu'un, tu veux faire des amis, tu veux connaître mieux la Luître, tu veux jaser avec les gens de la Luître, sur le qui tu trouves bon, tu trouves beau, tu trouves drôle, qu'ils soient en couple ou pas en couple, ils vont être là probablement pour juste parler avec vous, puis discuter. Notre but, la Luître, cette année, c'était de. Que quand on se croise à l'université, au lieu de baisser les yeux, vous nous dites « Hey, c'était bon ce que vous avez fait cette semaine. » Mais quand vous croisez des joueurs, ben dites-leur ce que vous avez aimé. Parce que on est là, on n'est pas des monstres. Hein? On n'est pas comme les membres de l'UDA qui baissent les yeux. on est du monde normal qui sont là pour vous. Puis on est d'anniversaire, puis on fait ça pour vous parce que c'est un spectacle pour vous. Ce que nous autres, si on serait dans un salon, ça serait pas drôle. Parce qu'on peut faire le même sketch dans mon salon. Ça serait drôle pareil. On pourrait juste rire nous. Ouais. Mais là, on le fait devant vous autres. Fait que dites-nous merci, puis dites-nous ce que vous avez aimé, pas aimé. Puis comme ça, on a juste nos sketchs. Voilà. Vrai. Bon, bien dit. Message c'est si bien dit. Vous avez mes cliches, c'est la chronique qui est dans les coulisses de la Luître. On fait ça chaque semaine ici à Assemblage Rocky, tous les mercredis matin à 8h30 environ. Et on rappelle d'être là le 6 février pour le match entre les verts et les oranges. Merci, Xavier. Salut! On prend une pause. Au retour, ça va être Alfalfa le lutin qui va être là pour la chronique alcool et jeux de société. Mais avant ça, on écoute une pièce de chocolat. Ce qui va bien avec de l'alcool et de jeux de société. Je veux dire, à un moment donné, hein, c'est un combo, un trio parfait. Donc incroyable. Voici la pièce Loulou de chocolat à Assemblage Requis sur C'est fou. Assemblage Requis. Au retour, ça va être Alfalfa le lutin. Salut Alfalfa! Salut! Ah, ça va bien? Bonjour! Allô? Bonjour! Allô? Oui! Quand il faut que. Il est là, là. T'avais oublié de vous. Ben non, arrête donc. Aujourd'hui, non. Ça va super bien, techniquement. Au retour, donc Alfalfa le lutin, Assemblage Requis et d'autres erreurs techniques plus tard. Assemblage Requis. Visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. toujours dans l'assemblage requis avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Dans quelques instants, Alfalfa, le lutin, oui, va être... Oui! Ah ben, il est déjà là. Mais avant Xavier et Mekli, j'étais encore dans le local, dans le studio. Il voulait chialer un petit peu sur l'intro. Je pense que t'aimes pas l'intro. C'est quoi ton maudit problème, sérieux? Mais non, mais sérieux, on a fait faire une chanson pour l'émission. Parce qu'elle pogne dans la tête, puis ça fait trois jours que je la chante. Voilà, tu vois. C'est pour ça. C'est pas la même chose. Mais non, c'est ça. Donc, assemblage requis. Non, mais on va se... Le fait, c'est que si tu restes vraiment en ondes longtemps sur cette intro-là, ce qui est rare parce qu'on a tout le temps des chroniques pour parler par-dessus, mais il y a des chats, il y a des crapauds, des grenouilles, des chiens. C'est vrai. Sur l'intro, c'est incroyable. On remercie. C'est un peu gossant. Aujourd'hui, les gens chialent donc ben! Les gens ne sont jamais contents. Mais merci au résidu plasmique d'avoir fait notre intro d'aujourd'hui. On s'excuse de dire. Ouais. Parce qu'on a 5 intros en tout et c'est ma préf de toute la gang. C'est ta préférée? Je trouve tellement. J'aimerais vraiment pas entendre les autres. Non, mais. C'est que le gars a mis tellement d'efforts sur le fait. Tout ça, là, ce qu'il joue en ce moment, là, c'est live. Il l'a fait live, OK? Avec les effets sonores et la batterie et tout ça. Puis là, le chant. Je veux dire que, par exemple, cette version-là est bien meilleure que celle que Mathieu et moi, on chante. Est-ce que tu veux qu'on écoute ça? Oui! Non! Je veux entendre celle que vous chantez! Ouais, ça s'en vient, là. Je te prépare ça, t'as un peu. Ouais, t'as un peu. On écoute ça et... Ça, c'est celle où on chante. On a une aussi qui est un petit peu plus... Vous avez chanté tellement bien. Merci. T'as celle aussi électro plus ça. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Écoute, moi, je vais y aller. Tu vas y aller? Ah, franchement, t'es... Je vais partir. Non, mais on pourrait demander à Alfalfa, le lutin, de nous en faire une. OK. Oui! Wow! Je pourrais faire ça, bien sûr, bien sûr. OK. Je mets la petite musique, genre de fond même, puis tu nous chantes quelque chose? Ben non, mais je chanterai pas, je vais juste dire bienvenue à Assemblage Recrit, tout le monde. C'est de la trace, hein? Ben bienvenue. Bienvenue. On est là pour des jeux de société. Ah, c'est le fun, le lutin, oui! Ben oui, c'est là pour des jeux de société. Il faut mettre des petites cloches derrière, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Oh, bonjour! Parce que c'est Noël à l'année. C'est Noël à l'année, c'est fou, hein, j'aime trop ça. Salut, Alfalfa, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Là, j'ai un jeu pour cette semaine. Wow. Quoi? Hey, on se rappelle que la semaine passée, tu nous as parlé du Pôle Nord. Directement du Pôle Nord. Faut quand même revenir sur les événements de la semaine passée. Yeah, oui. Le Père Noël s'en venait, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que t'as pas pu continuer tes chroniques. Fallu que j'arrête. C'est que, dans le fond, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Ah. Puis toute la neige est... Nous, on avait en fond un mur de neige. Puis quand elle a ouvert la porte, là, tout est rentré en neige. Il fallait tout pelleter. Le Père Noël était fâché. Oh non. On était pognés dans l'usine. Ben oui. Et vous êtes petits, les lutins, donc j'imagine que vous avez des petites pelles. Ben, on a des petites pelles. On a aussi des petites portes. C'est moins pire, non? Ben, ça dépend parce que tout est proportionnel. Ah, OK. Mais pas la neige. Non, la neige. La quantité de neige, elle choisit pas parce qu'on est petit, là. Elle est là parce qu'elle est là, tu sais. Tu sais, si tu peux prendre un petit, un moyen ou un large de neige, tu prendrais tout un petit. Mais on prendrait tout un petit, tu sais. Nous, le Super, bambino. Le Super Size Me des États-Unis, là, on connaît pas ça. On connaît pas ça avant tout, là. Bon. Dit-il en référence? Non. On connaît pas ça. C'est ça. Tu connais ça, les films américains, toi? Ben oui, des fois qu'on a du temps à perdre, on écoute ça, les films américains, là. Doublé? En lutin? Non. Est-ce que vous avez votre propre langue, les lutins? Ben pourquoi on parle toutes les langues? Pourquoi on aurait notre propre langue? C'est ça, j'avoue. J'avoue, c'est logique quand même. Hein? C'est vrai. Quand même. Bref, ce qui veut dire qu'elle fait le lutin en direct du Pôle Nord, maintenant est en direct de Trois-Rivières. Oui! T'as réussi à te rendre. J'ai réussi à me rendre cette semaine. Ben félicitations, oui. T'es là pour nous parler de jeux de société. Ben oui, j'en ai deux. Deux jeux de société. Deux jeux de société, oui. J'ai un jeu plus de stratégie et j'ai un jeu plus ludique et j'en présente un cette semaine et un la semaine prochaine, mais c'est Tania Baudin qui va décider lequel je présente. Oh, wow! Okay. Le pouvoir. Oh, le pouvoir qui s'en vient. Yes. Alors, Tania? Oui. Le jeu ludique ou le jeu de stratégie? Ça, j'ai allé avec le jeu de stratégie. Ah, j'aime excellent. Ça. Ouais. Donc, c'est un jeu basé sur les échecs. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez le principe des couleurs, tout le monde? Les couleurs, OK. Donc, dis-moi en plus. Dans le fond, les couleurs rouge, okay. Bleu, jaune, vert, mauve et brun. Ça, chaque c'est les couleurs primaires, ça? Non, les couleurs okay. Du jeu. Parce couleurs... que t'es pas allé à la même école primaire qui que moi. Tu veux être le pion brun? Ouais. Non, mais je vous explique. Okay. On joue un contre un. Et là, j'oublie le nom du jeu. Donc, hey, ça commence bien la chronique Alfalfa, là. Oui. Non, c'est Camisado. Donc, je l'ai trouvé. Donc, c'est Camisado, OK, qui est un Camisado. Jeu. Camisado. Oui, oui. Camisado, qui est un jeu basé sur les échecs. Donc, okay. Le même concept que les échecs ou les dames, mais au lieu d'être noir et blanc, c'est toutes les couleurs sont sur toutes les rangées. OK. OK. Donc, on a dit jaune, vert, bleu, rouge, mauve, brun. OK? Oui. Donc, il y a 6 par 6 et chaque pion a une couleur. Donc, De mon côté, j'ai les pions blancs avec une tache brune, une tache jaune, une tache rouge, une tache mauve, une tache brune. Et de l'autre côté, il y a les pions noirs avec toutes les couleurs. Okay. Mais chaque case dit quel pion tu vas bouger. Donc, si moi, j'avance mon pion jaune sur la case bleue, Mathieu, tu dois absolument bouger ton pion bleu. Okay. Et le but, c'est de renvoyer un de nos pions de l'autre côté. Okay. Un peu comme les échecs. Un peu comme les échecs. Mais le but, c'est de se rendre de l'autre côté. Pas tuer personne, juste se rendre de l'autre côté. Et on doit toujours avancer en ligne droite, sauf quand on peut manger un pion. Donc, quand on mange un pion, c'est en diagonale, pas en ligne droite. Donc, tu peux bloquer les joueurs et tu dois forcer l'autre à jouer. Je donne un exemple. Facile. Si mon pion ne peut plus avancer, il est impossible que mon pion avance. Donc, j'avance mon pion jaune sur la case rouge. Et toi, c'est impossible que ton pion rouge bouge parce qu'il ne peut pas manger aucun pion de chaque côté. OK. Et il est bloqué par en avant. Donc, il ne peut pas aller plus loin et un pion ne peut jamais reculer. OK. Donc, il ne peut pas bouger. C'est à mon tour de bouger mon pion rouge parce que le tien, il est invalide. OK. Donc, c'est encore à moi de jouer. Donc là, ça vient une stratégie mentale. Parce que tu pourrais faire seulement des coups qui vont t'avantager pour que l'autre puisse pas bouger et toi jouer sans cesse. Mais c'est sûr qu'il y a un processeur où que le joueur, l'autre joueur doit jouer. L'autre joueur va jouer. Donc, il va jouer incessamment. Il va jouer des pions jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Okay. Et là, ça te tourne de toujours jouer sur les pions qui ne peuvent pas jouer pour te favoriser. Donc, mais à un moment donné, tu peux toi aussi être bloqué. Hein, vous pourrez comprendre que genre on peut être bloqué nous-mêmes, on peut s'auto-bloquer. Ouais. Okay. Et j'ai joué ce jeu-là avec une amie à moi. Mm-hmm. On a joué pendant des heures et je te salue, elle vient de se rejoindre sur la vidéo que je suis en train de faire. Tu fais un Facebook Live sans le dire à la radio, ouais, t'as eu des millions de vues de plus. Ben oui. T'es en train de nous dire que t'es sur ta page Alphalfa? Non, j'ai pas réussi à le faire sur ma page Alphalfa. Pour ça qu'il dit pas. Ok. Hein? Ben non. La prochaine fois peut-être. Donc c'est ça, on a joué à ce jeu-là ensemble et j'étais incapable de prendre le dessus. Même si j'essayais vraiment là, de prendre le dessus, j'étais pas capable. Elle était tout le temps là. Elle était tout le temps en train de jouer un coup avant moi. Ouais. OK. Donc, il faut vraiment penser deux puis trois coups à l'avance pour prendre les devants. Donc, c'est un jeu hyper stratégique qui se vend quand même assez cher. Et là, ils ont inventé un Max qui est comme mettons, un sur-jeu. Là. C'est comme, ils ont uploadé le jeu, j'y ai pas joué. C'est quoi, un Max? Ouais, c'est comme une version premium de luxe. Ouais, c'est comme, ils ont ajouté quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Donc, je vous conseille le Quasimodo de base. OK. Le Quasimodo... Camisodo. Écoutez, je vais le mettre sur ma page Alphalfa le lutin. Toujours bon à suivre, ça, Alphalfa le lutin sur Facebook. Ben oui, suivez-moi sur Facebook. Et c'est ça. Et donc, c'est le Camisodo. K-A-M-I-S-A-D-O. Merci pour l'épellation, c'était voilà! Oui! Rock, tu vois là. Ah, j'ai une image. On va pouvoir le montrer. Oui, ah, wow. Excusez, c'est parce que Facebook j'ai googlé la chose. Ben oui. Et le... Je voulais voir de quoi ça avait l'air. Donc, c'est vraiment là. Ah, il y a du rose aussi, j'ai oublié le rose. Oui. Donc, c'est du bleu, orange, rose, mauve, rouge, jaune, brun et vert. Donc, c'est du 8 par 8 finalement et non du 6 par 6. Tu connais bien ses couleurs. Et oui, même, mais c'est drôle parce qu'il y a une plaque qui n'a pas de rose. Ah, c'est peut-être le Max qui a du rose. Ah! Voilà pourquoi j'étais quand même... Tu vois? Je savais pas qu'il y avait du rose. Camisodo, bref. Donc, c'est un jeu qui se vend très bien, qui s'achète en ligne, et vous allez avoir des heures de plaisir, mais c'est un jeu qui se joue seulement à deux. Ah, c'est pas beaucoup, ça. C'est mais faites-vous des tournois, qu'est-ce que vous attendez? Des braquettes. Et voilà. Semi-finale. Donc, c'était ma chronique. Pour les jeux de société. Génial. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Je le demande toujours. Mais qu'est-ce qu'on boit avec ça? Moi, j'ai découvert la semaine passée une microbrasserie assez incroyable. Okay. La microbrasserie de Charlevoix, qui est une des plus vieilles microbrasseries. Ah, il y a Xavier Méclisch aussi qui vient de Charlevoix ou qui travaille là-bas. Oui, incroyable. Je vois pas du tout la ressemblance. Et... Eh bien, quoi, vous riez? C'est bien ça. Ah, pour rien. Okay. Vous avez donc, un petit look de famille. Ah, ouais. Je comprends pas. Mais non, donc la ESB de Charlevoix, de la microbrasserie Charlevoix, la ESB, qui est une bière quand même rousse, assez bonne et très, très goûteuse. Donc, c'est une bière qui prend le temps de se faire déguster. On dit parfois qu'elle a un petit goût de pamplemousse. Oh, ah, okay. Ça. Un petit peu, mais plus, c'est ça. Donc, Es-tu bien amère? Ben, pas tant. Elle va se prendre très, très légèrement. Parce qu'une rousse, c'est souvent amère. Hein? Ouais, oui, c'est non, ça, j'aime pas. Elle n'est pas trop. Hein? Donc, moi, je pense qu'elle se dose bien. C'est une des très bonnes bières que je peux vous conseiller. Une rousse qui se dose bien. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Là. Non, merci, ça va. Mais merci beaucoup, Alpha. Est-ce que tu veux nous nommer ton deuxième jeu? Ah, pour la semaine prochaine, pour la semaine ouais. prochaine. Donc, ça s'appelle SMS. SMS. SMS, comme les, comme messages, les messages textes. Oh, j'en dis pas plus. Oh, c'est le fun, ça, à ne pas jouer en voiture. Hey, il y a des lutins qui me saluent. Yeah. Oui. Allô. Les Facebook Live. C'est Ribambelle. Ribambelle, allô. La prochaine fois, sur ta page Alphalfa les lutins, t'auras beaucoup plus de gens qui vont mais qui oui, vont mais suivre, faut qu'il like ma page Alphalfa les lutins pour que je puisse faire des lives. Ça commence tranquillement. Ça fait quand même juste 3, 4, 5 chroniques que tu fais. C'est vrai. On a dit que ta chronique était jeu de société et alcool. Quand est-ce que tu vas nous parler principalement d'alcool? Il faut que je te le demande à chaque fois. Ben là, je vais me lancer officiellement là-dedans. Okay. Les jeux de société, je pense que je vais attirer encore peut-être pour 2 semaines. Okay. Et après ça, on va se lancer plus dans une chronique de dégustation. Oh, génial. Mais la formule va très bien sinon. Donc, on a du plaisir avec Alphalfa. Petite suggestion musicale. Bonjour, Chocolat aussi. Salut Chocolat! Non, bonjour Chocolat! Elle est là! Waouh! C'est vraiment juste des lutins qui sont là. C'est juste des lutins. Vous avez... bref. Pièce musicale? Oh oui! OK! J'avais présenté un groupe, là. Ça n'a pas été monté dans les palmarès. Faut que ça monte dans les palmarès. C'est Hillsburn. Et j'aime bien... When we are young! Exactement. Oui! Merci Alphalfa! Fait plaisir! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! We'll never mean a king of some great nation, I'm pretty sure of you. We'll never fly a rocket round the sun, when we were young. When we were young, the world hung like food for the taking. And now I'm pretty sure I will never learn to speak a second language, I'm pretty sure you. Town in the morning. C'était Hillsburn avec leur album In the Battle Years et la pièce When We Were Young. Suggestion d'Alphalfa le lutin qui est toujours avec oui, nous. Oui, toujours ici. Ah, super. Merci à toi. Merci à qui d'autre? Sébastien Vigartin pour sa chronique de tout à l'heure. Xavier. Oui, Xavier Beclich pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. Demain, on sera jeudi et comme toujours, on a une grosse pointe à l'adresse le jeudi. On a aussi la chronique de l'AGEQTR avec Alex Marchand et participation spéciale à partir de demain et aux 3 semaines. On l'annonce tout de suite pour que ça ait lieu. C'est à partir de demain, Jean-Philippe Charbonneau, notre directeur général, qui va être là pour venir participer à une grosse pointe à l'adresse aux 3 semaines. C'est vrai. Ça commence demain à l'émission, donc entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à 10h, ce sera Compte à rebours, l'émission de Compte traditionnel. À 11h, la rediffusion de Rock de Neurones. À 13h, en direct, Répond avec une chanson. À 15h, je serai là pour une édition complètement musicale du Mathieu Plante Show. Donc c'est à 15h tout à l'heure. À 17h, Audiomatique avec de l'électronique. À 19h, Lob Trotter, on rappelle avec la musique du monde. Et à 20h, c'est Radio Sonic, l'émission de musique variée. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci beaucoup, Tania Baud. Merci à toi, Mathieu Plante. On a le temps pour une dernière chronique, une dernière chanson pour se quitter. Qu'est-ce que t'as envie d'entendre? Eh mon Dieu, c'est une bonne question. Ouais. Écoute, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles entrées au palmarès? Oh, bonne question. Je me rappelle qu'il y avait Ludovic Allary, Michel O aussi. Bon, ben allons-y avec du Michel O. Michel O avec Tu souris pour lui plaire ou lui montrer les dents. Et on se retrouve demain à 6h30. Bonne journée. Bye, bon café. Bye. Et ça prend combien d'étincelles?